بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين ثم أما بعد donc nous continuons aujourd'hui dans la lecture de l'essai de traduction de l'épître de l'éminent cheikh Abu Abd al-A'la al-Misri hafidhahu Allah ta'ala, et donc l'épître qui a été préfacé par un certain nombre de savants très connus dans la Umma, tels que Cheikh Rabi', qui a conseillé donc que ce soit publié, ainsi que Cheikh Ubaid qui l'a préfacé, ainsi que Cheikh Hassan Abdouhab al-Banna, ainsi que Cheikh Abdurrahman al-Muhiddin, ainsi que Cheikh Abd Muhsin Al-Munif. Donc là, c'est Mashayikh Hafidhahumullah Ta'ala, ils ont préfacé donc cette épître parce qu'elle est très importante et parce qu'elle clarifie donc des points concernant cette science qui est combattue malheureusement à notre époque. Et donc, il est normal que les gens d'innovation combattent cette science, parce que cette science, elle met les jalons pour la critique des gens d'innovation. Il est normal que les gens d'innovation, qu'ils soient en Égypte, ou en Arabie Saoudite, ou Yémen, ou ailleurs, donc ils critiquent cette science, et ils critiquent surtout les gens qui les dévoilent et qui travaillent dans le domaine noble, qui est le domaine de la critique scientifique, al-radoud al-ilmiya. Donc ça sont des critiques scientifiques basées sur donc les arguments, hein, et les preuves où tel prédicateur ou prêcheur a contredit le livre et la sunna, et ce ne sont pas comme eux, ils essaient donc de diaboliser les savants et donc effaroucher les gens par rapport à ces savants, les éloigner par rapport à ces savants et montrer que cette science est une science où on insulte les gens ou bien où on médit les gens, loin de là. Donc là, c'est des gens de science qui critiquent avec piété et avec honnêteté intellectuelle et scientifique. Donc et qui critiquent ces gens et qui montrent toujours la preuve. Si vous lisez donc Cheikh Rabi' al-Madkhali, ou bien si vous lisez Cheikh Ubaid al-Jabiri, ou si vous lisez Cheikh Najmi, ou Cheikh Muqbil, ou Cheikh Al-Albani, ou Cheikh Ibn Baz, leur frère Cheikh Al-Fawzan, lorsqu'ils critiquent aussi, il a beaucoup de critiques Cheikh Al-Fawzan. Donc là, ces gens, lorsqu'ils critiquent, ils montrent les preuves. Et lorsque Cheikh Abu Abd al-A'la aussi, il a critiqué Al-Huwayni par exemple, il a fait un ouvrage en 900 pages hein, à peu près, ou donc plus de 900 pages même, hein, et qui est un livre où il y a toujours les preuves, toujours là les paroles de la personne donc tirées de tel cours ou de telle assise, et donc les choses avec c'est-à-dire toujours la citation, hein, mais toujours avec la référence. Et puis, voici donc ce qu'il dit, et voici la voie de As-Salaf. Il montre comment, lui, il s'écarte de la voie de As-Salaf Salih. Et donc, ça, c'est un livre très important de Cheikh Abu Abd al-A'la aussi, qui s'intitule Al-Hudud al-Fasila, hein, où il montre les lignes de démarcation entre le manhaj de As-Salaf Salih et entre Al-Qutbiyya Sururiya, à laquelle appartient par exemple Abu Ishaq al-Huwayni, hein, qui est un tekfiri égyptien et qui trompe par exemple les jeunes qui manquent de science et qui n'ont pas vraiment approfondi certaines questions. Et donc, surtout que cette personne apparaît sur donc les chaînes paraboliques, etc. Et les jeunes donc sympathisent avec ces personnes et pensent que ce sont des prêcheurs à la voix de As-Salaf, parce que là c'est parmi Adriya Salafiya, c'est parmi les personnes qui prétendent s'affilier à la Salafiya, à la voix des pieux prédécesseurs. Donc là le Cheikh a fait un ouvrage, il lui a même envoyé le conseil, ce livre il lui a envoyé avant donc de l'imprimer et de l'éditer, lui a envoyé donc cela, mais lui il a refusé de répondre, et le cheikh comme en forme de conseil à la Ummah, hein, il n'a pas trouvé d'autre issue que de publier son livre, hein, et donc Nusḥan lil Ummah, pour prodiguer le conseil à la Ummah, hein. On nous Allah azza wa jalla an yuthabbit mashayikhana wa yansurahum wa yu'inahum fi hadha al'amal fi nusḥ al-muslimin, hein. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste nos mashayikh, et qu'il nous raffermisse aussi, et qu'il nous assiste, et qu'il raffermissent tous les salafis, parce que maintenant il y a beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de choubouhat. Donc là, il s'agit pour chacun de nous d'observer la voie de salaf et d'œuvrer avec, et de ne pas contredire cette voie de salaf. Et surtout, donc la grande cause, hein, c'est ad-du'a, hein, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir, et donc de nous préserver sur cette voie de as-salaf salih, hein, qui est un grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, hein. Et donc là on demande à Allah, et aussi on doit déployer les causes en observant les règles, de ne pas contredire la voie de as-salaf vis-à-vis des gens d'innovation. Lorsqu'il y a des gens d'innovation, où il y a donc un livre, où il y a une cassette, où il y a des choses, donc il ne s'agit pas donc de contredire la voix de SLF en allant assister à cet innovateur, ou en l'écoutant, hein, ou bien en regardant dans ses livres, et ainsi de suite. Donc là c'est faux, hein. Là ce sont des choses fausses. Il convient donc surtout aux personnes comme nous qui sont des débutants, donc de s'accrocher aux orientations des gens de science, et de ne pas regarder dans n'importe quel document, hein. Donc de s'attacher, lorsqu'on apprend les choses qui sont donc de la religion, hein, on doit donner de la valeur à cela, et on doit nous tourner vers les gens de la sunna et non pas vers les gens d'innovation, parce que ces gens ils ont donc des contradictions, et ils ont contredit, ils ont beaucoup contredit la sunna, ils ont contredit la sunna. Donc là nous on ne doit pas être trompé, parce que du moment que quelqu'un donc il prétend qu'il est sur la voie de as-salaf, hein, alors qu'il contredit les gens de science, alors qu'il a insulté les gens de science, tel que le Huwayni que je viens de nommer par exemple, hein, et tel que le Hassan aussi, il a insulté les gens de science, hein. Donc là, lorsque quelqu'un il prétend qu'il est salafi, donc il ne s'agit pas donc de prétendre, il s'agit donc de donner les preuves, hein, comme le poète, hein. Donc avait dit « وَالدَّعَوَى مَا لَمْ تُقِيمُوا عَلَيْهَا بَيِّنَاتٍ أَبْنَاؤُهَا أَدْعِيَاءُ » Si vous ne montrez pas les preuves sur ce que vous prétendez, on ne peut pas donc vous accorder ce que vous prétendez, hein. Donc il faut montrer les preuves. Celui qui prétend qu'il est salafi, donc il doit observer la voie de salaf salih, il doit suivre la méthodologie de salaf salih. La méthodologie de salaf salih, c'est celle du prophète et de tous les prophètes, c'est manhaj al-anbiya. Donc la méthodologie de salaf salih, c'est une noble méthodologie, et c'est la seule méthodologie donc obligatoire, et il ne s'agit pas donc de choisir autre chose, hein. Il ne s'agit pas que le musulman choisisse autre chose. Très bien, donc là je vais rappeler quelques remarques, trois remarques qui reviennent souvent, donc je dois donc noter cela avant donc de passer là où on s'est arrêté la dernière fois. La première chose, c'est qu'il y a une ambiguïté très répandue, que j'ai remarqué que c'est très répandu parmi les jeunes, alors que donc vous allez voir que la réponse elle est très facile, hein. Il y a une ambiguïté comme quoi moi je l'ai remarqué surtout parmi les jeunes francophones, et elle se trouve aussi parmi les arabophones aussi. Donc ils disent par exemple, si quelqu'un il commence à critiquer un innovateur, ils disent que tu dois le conseiller d'abord en privé. Tu dois conseiller tel innovateur en privé avant donc de le critiquer. Là, c'est pas une condition. Donc nous, on doit suivre la voie de as-salaf salih. D'accord? Donc entre nous et eux, il y a la voie de as-salaf salih. Hein, donc le juge, hein, al-hakam baynana wa baynahum, le juge entre nous et eux, c'est la voie de as-salaf salih. Là, ce qu'ils sont en train de dire. As-tu conseillé à un tel avant donc de le critiquer. Si on regarde dans les textes, hein, si on regarde dans les donc les mises en garde faites par Salaf Saleh, hein, telles que la mise en garde faite par Ibn Omar qu'on a vu donc la dernière fois, la mise en garde faite par Ibn Omar vis-à-vis de Al-Qadariya, est-ce qu'il est allé les conseiller d'abord? Non, il a mis en garde contre eux. Il a entendu qu'ils disent telle chose et telle chose. Sur Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il a répliqué. Sur le champ, il a répliqué. Parce que ces gens qui sont venus lui demander, c'est des gens tiqat, c'est des gens crédibles. Hein? C'est des gens crédibles qui, ils ont transmis l'avis de Al-Qadariya. Lui, il a critiqué l'avis de Al-Qadariya. Il a critiqué l'avis de Al-Qadariya. Il a montré son désaveu vis-à-vis d'eux. Bara'atuhu minhum. Il a montré comme quoi il se désavoue par rapport à eux, parce qu'ils ont dit une parole vraiment monstrueuse. Hein? Ils ont dit une chose vraiment qu'on ne peut pas supporter. Hein? Et donc une chose que le musulman ne peut pas supporter et qu'il n'accepte pas. Hein? Il n'accepte pas que quelqu'un dise qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît pas la chose. Hein? C'est quand elle se produit qu'il la connaît. Là, c'est faux et c'est une parole de mécréance. Ça, c'est une parole de mécréance. Ibn Omar, lorsque cela lui fut rapporté, il a répliqué. Est-ce qu'il est allé les conseiller en privé comme prétendent ces jeunes? Hein? Non, il n'est pas allé leur donner le conseil. Et Ibn Abbas, lorsque donc la chose lui a été transmise, il a fait la même chose. Hein? Ainsi, donc beaucoup donc d'exemples comme ceux-là, hein? Comme beaucoup d'exemples comme ceux-là qu'on trouve chez As-Salaf Salih. Donc là, le conseil n'est pas une condition. Ce que vous devez savoir, c'est que conseiller quelqu'un n'est pas une condition, surtout si cette personne donc appartient aux gens d'innovation. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait en la matière? C'est que si on juge que le conseil peut apporter des fruits, c'est-à-dire s'il s'agit d'une personne qui appartient aux gens de la sunna, oui, il fait le conseil parce que donc on sait que cette personne, donc généralement, elle s'accroche à l'haq, hein, et elle va revenir bi-idnillah. Donc nous, on juge que cette personne peut revenir. Si on va l'avertir sur son avis, donc là on fait. Mais les gens de science, par crainte de dissimuler une chose relevant de la religion, parfois ils ont publié. Hein, ils ont publié même s'il s'agit de quelqu'un qui fait partie des gens de la sunna. Et donc vous savez peut-être donc certains parmi vous que Cheikh Hamoud Twijri, rahimahullah, qui est un savant d'Arabie Saoudite, Hamoud Twijri, rahimahullah ta'ala, ce grand savant, qui sera cité dans cette épître, Hamoud Twijri, lorsqu'il lui fut rapporté un avis, Cheikh Mohamed Salih Al-Utaymin, rahimahullah, s'est trompé, lui, il a répliqué par un livre. Il a répliqué par un livre. Et ce livre, il a été préfacé par Cheikh Ibn Baz et il a été édité. Et par la suite, lorsque le livre, il est parvenu, le livre, il a été publié, donc les gens le lisent, il a été publié. Et lorsqu'il est parvenu à Cheikh Al-Uthaymin, il s'est rétracté de cette erreur et lui-même, il a fait une introduction pour ce livre, pour la deuxième édition. Regardez comment ces gens, ils aiment le haq. Et Hamoud Twijri, rahimahullah, il a publié par amour de la vérité et de la montrer aux gens. Et lui, il craint de mourir avant de montrer cela. Hein? Hein? Donc, alors qu'il a su cela. Hein? Donc là, il a publié, hein? Donc, pour montrer cette chose donc, qui se rapporte à un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Fat al-Ulu, hein? L'ilahi ta'ala. Et Cheikh Ibn Baz, il a préfacé. Hein? Donc il n'a pas dit non, puisque c'est notre cheikh, on va attendre, il a préfacé, il a publié, hein, il a encouragé la publication. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, lorsque donc, le livre lui était parvenu, donc lui aussi, il s'est rétracté. Hein, il s'est rétracté. Donc là, donc, ce que disent ces jeunes, comme quoi tu dois conseiller à un tel hein, avant de le critiquer, etc., c'est pas une condition. Vous voyez que là, c'est parmi les gens de la sunna et cette chose s'est passée. Alors que, en règle, les gens de science disent que lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui fait partie des gens de la sunna, généralement, on pense, hein, on estime qu'il serait préférable de passer par le conseil. Peut-être qu'il va revenir. Et généralement, Cheikh Rabi' al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, à notre époque, hein, il a conseillé avant de critiquer. Il a conseillé, par exemple, Abdurrahman al-Khalik pendant 10 ans. Donc là, imaginez, pendant 10 ans, il est en train de conseiller quelqu'un. Hein, pendant 10 ans. Il a conseillé le Maghraoui pendant 5 ans. Pendant 5 années, il est en train de le conseiller. L'autre, il ne veut pas revenir. Il est en train de lui répéter le conseil. Et donc, à la fin, donc, il a montré ses erreurs. Hein, et, il a montré ses erreurs à la Ummah pour que la Ummah ne suive pas cette personne qui est Al-Maghraoui, par exemple, qui est un tekfiri. Hein, ou bien qui, pour qu'elle ne suive pas aussi Abdurrahman al-Khalik au Koweït, qui est d'origine égyptienne et qui vit au Koweït, parce que c'est un hizbi. Il a montré comment il trompe les jeunes. Lui, il a montré quels sont les passages dans ses livres, etc., où il contredit la voix de As-Salaf Saleh. Donc là, conseiller quelqu'un n'est pas une condition avant de montrer la réfutation. Parce que la réfutation, c'est al-haq. C'est une chose où tu rappelles les fondements des gens de la sunna, les fondements de As-Salaf Saleh, tu montres cela et tu montres l'erreur. Où est le problème? Le problème, c'est dans l'erreur. Alors que cette personne, elle est en train de diffuser ses cassettes et ses livres et ainsi de suite. Il est en train de parler sur les chaînes paraboliques telles que ces bavards, donc arabophones ou autres, telles que Hassan, telles que Al-Huwaini, telles que Al-Qarni et donc Al-Arifi, Nabil Awadi et beaucoup d'autres. Hein? Ils sont en train de diffuser les erreurs, ils sont en train donc de transmettre cela aux jeunes, hein? Ils sont en train de tromper la Ummah. Des gens viennent et vous disent, mais pourquoi tel savant les critique, est-ce qu'il les a conseillés? Mais malgré cela, Cheikh Rabi', par exemple, il a beaucoup conseillé ces gens avant de diffuser. Hein? Et même Cheikh Abu Abdallah, comme on a dit tout à l'heure, il a transmis le conseil à Al-Huwaini, mais lui, il n'a pas voulu répondre. Et donc, le Cheikh, il s'est trouvé dans la nécessité de publier son livre, hein, pour montrer aux jeunes en Égypte et ailleurs les égarements de celui-là qui est un Sururi, hein, et un Qutbi et un Ikhwani Mutasattir, qui prétend qu'il ne soutient pas l'Ikhwan alors que c'est un grand Ikhwani. C'est un Ikhwani qui est rentré avec eux donc dans les prisons, qui était emprisonné avec Abdelhamid Kesh, qui est avec ces gens, et donc c'est un Ikhwani. C'est un Ikhwani. C'est un Qutbi Ikhwani. C'est Doro, il parle toujours des gouverneurs. Abdelhamid Kesh, c'était un Qassas. Hein, un Qassas, donc il sera cité ici dans cette épître, c'était un Qassas, c'est-à-dire un conteur. Il base ses Doro sur les histoires. Et les gens, donc, généralement, qui n'ont pas beaucoup de science, ou bien, donc, les awam, etc., ils aiment les histoires, etc. Lui, il comptait beaucoup d'histoires, et lui, il rapportait beaucoup de ahadith da'ifa et mawdu'a. C'est Abdelhamid Kesh. Et donc, là, par ces choses, il étonnait les gens, et ainsi de suite. Hein? Et il émerveillait les gens, et il séduit les gens par ce style. Alors que toujours, il était en train, donc, de critiquer les gouverneurs. Il était toujours en train d'injurier et d'insulter les gouverneurs, les hukam des musulmans. Lorsque tu procèdes ainsi, tu es en train de détruire le noyau des musulmans. Tu es en train de détruire le groupe des musulmans. Les musulmans doivent être, donc, réunis, hein, autour de leur gouverneur pour faire face aux kuffars. Hein. Et pour, donc, voici, donc, il ne faut pas se tromper d'ennemis. Les ennemis, c'est les koufars. Les ennemis, c'est les koufars. On doit, donc, combattre les gens d'innovation à l'interne, et on doit aussi envoyer cette da'wa, et donc, pour l'extérieur. Hein, voilà comment, donc, schématiquement, généralement, donc, la chose, comment elle se passe. Alors que ces takfiris, etc., ils essayent de combattre les gouverneurs. Alors que, donc, la méthodologie du messager, alayhi salam, qu'il nous a enseigné dans beaucoup de hadiths, hein, qui se trouvent dans Sahih Muslim et dans d'autres recueils. Donc c'est que le gouverneur, on doit le conseiller en privé. Hein. Voilà la chose que ces gens ne font pas. Hein. C'est Mubtadi'a. Le gouverneur, il s'agit de le conseiller en privé. Hein. L'aql, la sagesse, veut que donc tu conseilles au gouverneur en privé. Et c'est ce que le messager, il a ordonné. Même quand il a ordonné, نصيحة لدي السلطان فلا يبديه علانية وليأخذ بيده ثم يعني ينصح له فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه Celui qui voit que le gouverneur il s'est trompé dans un point, alors que lui, il est bien placé au niveau de l'État et il peut transmettre son conseil, hein, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas le montrer en public, dire cela sur les manabers qu'on fait le Hawaïni, ou dire cela sur les chaînes paraboliques, comme il fait ce Hawaïni ou ce Hassan, ou bien sortir dans les manifestations, ou écrire dans les journaux, comme font certains, comme quelqu'un qui est ici au Maroc, qui est très connu d'avoir écrit dans les journaux, qui est Abdeslam Yassine, a écrit dans un journal, il a publié une risala. Donc c'est pas une nasiha, ça s'appelle un scandale, une fatiha, de montrer cela, de dire cela, et de crier sur les toits, et de dire voilà, je conseille à Al-Malik, je conseille au roi, je suis en train de lui faire le conseil. Est-ce que vous pensez que de cette façon, si la personne était dans l'erreur, elle va revenir? Non, elle ne veut pas revenir, parce que vous êtes en train donc d'aller crier sur les toits. Non, il faut passer par nasiha en privé, hein? Alors que, hein, ces gens, ils ne respectent pas cela avec les gouverneurs. Ils veulent que les savants suivent toujours cette manière de conseiller en privé, hein, vis-à-vis des innovateurs. Alors que l'innovateur, sa parole, elle s'est propagée dans le monde. Hein? Sa parole, elle s'est propagée dans le monde. Comment maintenant la corriger? Lorsque, par exemple, ces gens qui disent ces choses, hein, et j'ai entendu que Rachid Abu Hudayfa, il soutient cela, cet avis, Rachid Abu Hudayfa, où il s'appelle maintenant Rachid Jay. Hein, donc les koufars, peut-être ils ont mis une pression, ils ont dit pourquoi toi tu fais ceci et cela, donc cela et ceci, bon, voilà comment tu dois t'appeler même, hein. Donc là dernièrement il a changé son nom. Donc de toute façon, lui il dit cette chose qu'il faut passer par le conseil. Il dit, est-ce qu'ils nous ont conseillé avant de montrer nos erreurs, hein? C'est pas une condition que ce soit Rachid Abu Hudayfa, il dit cela, ou bien Nadir Abu Anas, il dit cela, ou bien Eric Younes, il dit cela, ou bien quelqu'un d'autre qui est apparu ces dernières années, Qasim Al-Firansi aussi, il dit cela aussi, il dit non, il faut passer par le conseil. Et lorsqu'on lui a fait le conseil, il n'a pas accepté. Et lorsque même Sir Chalabi, il est passé par le conseil, il n'a pas accepté son conseil. Hein? Ces gens, parce qu'ils ont contredit la sunna. Et lorsque quelqu'un il a contredit la sunna, il faut donc montrer son erreur. Il faut montrer son erreur. Hein? Il faut montrer son erreur, comme on a rappelé, hein, comme avait fait Ibn Omar. Lorsque l'erreur lui était parvenue, lui, il a dit qu'est-ce qu'il pense de cette faute et qu'est-ce qu'il pense de ces gens, hein, de ces auteurs. Hein? Donc il a dit, donc, « إِذَا لَقِتَ أُولَئِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَهُمْ بُرَاءٌ مِنِّي » Si tu côtoies ou si tu rencontres ces gens, ces qadaris, dis-leur que je me désavoue d'eux. Et que eux, hein, et donc ils se désavouent de moi. C'est-à-dire il n'y a aucun rapport entre nous. C'est le bara, c'est le désaveu. Il n'y a aucun rapport entre moi et eux. Hein? Et il a montré qu'ils sont koufars. Il a montré qu'ils sont koufars. C'est-à-dire qu'il a dit que Allah ne va rien accepter d'eux tant qu'ils ne croient pas au destin. Il n'a pas dit, non, qu'est-ce qu'on va faire? On va les inviter dans une assise et on va leur faire le conseil, ou bien je vais aller chez eux. Où est-ce que tu vas les trouver, ces gens? Comme avait dit une fois Cheikh Albani. Il a dit, si tu dois passer toujours par le conseil, où est-ce que tu vas rencontrer ces douettes? Maintenant qu'ils parlent sur YouTube et ils ont des... ils parlent sur les réseaux sociaux et sur Facebook et sur ces choses. Où est-ce que tu vas les rencontrer, ces gens? Hein, où est-ce que tu vas les rencontrer? Peut-être que tu dois passer une vie pour le trouver, hein, pour trouver ces gens. Non, tu montres le haq, pour que les gens ne se trompent pas. Et maintenant, lorsque tu montres le haq, lorsque tu conseilles à la umma, lorsque tu diffuses, voici telle erreur, et voici le verset qui la réfute, voici le hadith qui la réfute, voici la parole de salaf qui la réfute, voici la parole d'un grand savant, d'un imam de la sunna qui réfute cet avis, voici les preuves, voici ces... Est-ce qu'on aura vraiment éradiqué ce mal dans le monde? Non, c'est juste le conseil. S'il parvient à des gens sincères qui vont l'accepter, d'autres ils ne vont même pas donc l'écouter ou l'entendre. Regardez ce que disent ces gens tels que Rachid, etc. Combien il est vu par les gens, hein, et combien sont regardés les paroles des frères salafis qui font des traductions ou qui parlent donc sur des sites salafis, hein. Donc là, les paroles de ces gens sont beaucoup propagées. Hein. Maintenant, lorsqu'on diffuse la correction, est-ce qu'elle va parvenir à ces gens qui ont reçu cette erreur? Hein. Lorsque Nadir Abu Anas, il a dit que Moïse, donc il faisait la magie. Hein, il faisait la magie. C'est une parole de l'kufr, comme avait clarifié Cheikh Salih al-Fawzan, le grand savant Salih al-Fawzan. Là, il a dit, dire cela de Moïse, ça c'est de l'kufr. C'est même que donc, dans le Coran al-Karim, si on lit le Coran al-Karim, c'était l'avis donc de Moïse. C'est Moïse qui avait accusé, c'était l'avis de Pharaon. C'est Pharaon qui a accusé Moïse de faire le sihr. Hein? Donc, c'était que Pharaon, il avait accusé Moïse. Donc, il a dit, mais, donc, comme quoi, que ce que vous avez apporté, c'est les tasharana biha. Ils ont prétendu que Moïse, les ayats, par lesquels Allah, il l'a soutenu, eux, ils n'ont pas accepté, ils ont dit, ce que tu nous as apporté, c'est de la magie. Alors que les prophètes ne font pas de la magie. Hein? Al-Shahid fil mas'ala, c'est que, donc là, le témoin argumentatif dans cela, c'est que, lorsque nous maintenant nous mettons en garde contre cette erreur, combien de gens ils l'ont entendu dans le monde, hein? Alors que ce Nadir Abu Anas, il est connu en France, et donc, beaucoup de gens l'écoutent, ou donc il est connu ailleurs. Beaucoup de gens, ils ont pris cela, ils pensent peut-être même cela, hein, donc de Moïse, hein. Wallah al-Musta'an. Donc, là, dire ces choses sur les messagers et sur les prophètes, ça c'est une erreur grave, hein. Ainsi que les autres erreurs que fait Rachid et que fait donc etc. Hein? C'est une fois il a dit que donc chacun doit demander des excuses au messager alayhi salam. Sir Fawzan il a répondu à une chose pareille. Il a dit ça c'est aussi c'est vous êtes en train d'orienter les gens vers de demander au messager le maghfira et l'excuse. Hein? Ça c'est shirk. C'est-à-dire vous êtes en train de dire aux gens de demander hein, donc le pardon auprès du messager alayhi salam. Non, ça c'est du shirk. On demande le pardon hein, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, non pas auprès hein, de notre grand messager alayhi salam. On l'aime, on le suit, mais on lui demande pas le pardon. On demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'était la première remarque qu'ils disent hein, as-tu conseillé à un tel hein, avant de le critiquer. Or, on leur dit il n'est pas obligatoire de conseiller avant de critiquer les erreurs, hein, comme avait montré Cheikh Al-Albani, hein, combien il te faut de temps pour aller chercher, hein, telle personne, ou pour contacter un tel pour le conseiller. D'ailleurs, l'erreur s'est propagée dans le monde. Elle s'est beaucoup propagée. Comment maintenant, là, donc, la combattre, hein? Il faut donc la réfuter, hein. Et les gens de la sunna adoptent une position face à la faute et face à la personne fautive. Hein? Si donc la faute, hein, la faute toujours il la réfute. La faute toujours il la corrige. Ils disent voici l'erreur et voici la correction. Toujours il la réfute. Et il adopte vis-à-vis de la personne, là il regarde. Est-ce que la personne peut accepter une nasiha? Donc on va passer d'abord par nasiha. Hein? Ou bien si la personne appartient déjà aux gens d'innovation, telles que ces personnes que j'ai citées, hein, Houaini ou Hassan ou donc les autres, etc. Même si les savants ils sont passés par Nasiha, Cheikh Rabi il est passé avec par Nasiha, mais c'était hein, des gens d'innovation. Hein. Ces gens aussi, Rachid, etc. Ils appartiennent au groupe des frères musulmans. Ils sont en train donc de propager en Europe la vie, donc ou bien la voie de donc des gens d'innovation qui est la voie de l'ikhwan muslimin, hein, la voie des sectaires, hein, la voie des sectaires. S'il était en train de respecter la voie salafi, donc là il aurait donc lorsque leurs erreurs elles leur parviennent, ils doivent corriger et demander pardon à Allah et toujours faire de l'effort pour corriger ces choses, et non pas de venir insulter le critique. Celui qui les critique, il vient l'insulter. Hein? Wallahu musta'an. D'accord. Donc là, les gens de science, ils voient, est-ce que la personne fait partie des gens de la sunna? Donc, il serait préférable dans ce cas de passer par la nasiha d'abord. Ou bien, est-ce que la personne, hein, fait déjà partie des gens donc d'innovation? Donc, on sait que, donc, généralement, il s'entête et il ne veut pas revenir. Donc là, on va le critiquer directement comme forme de nasiha à la umma. Pour que, Donc, les erreurs ne se propagent pas beaucoup. Donc, on essaie de faire notre possible de corriger ces erreurs. Très bien. Et de mettre en garde contre ces erreurs et de mettre en garde contre les gens qui les propagent. Hein, les gens qui propagent ces erreurs, tels que Rachid, Abu Hudayfa ou Nader et ainsi de suite, ces gens qui sont en train de propager une voie sectaire, il faut mettre en garde contre eux. Iqiyousen et beaucoup d'autres, malheureusement, hein, qui ont des voies égarées, tels que Islam bin Ahmed, et tels que donc, Tariq Ramadan, ou tels que ces gens, ce sont des égarés. Ce sont des égarés hein, sectaires, donc il s'agit de mettre en garde contre eux. Très bien. Ça, c'est le premier point. Ils ont dit, il faut passer toujours par Nasiha. Ce n'est pas une condition de passer par Nasiha. Ibn Umar n'a pas fait Nasiha au Qadaris avant de les critiquer. Deuxième point, par rapport au fait que le Qutbi Mohamed Hassan cite une fatwa ancienne dans le comité, ou bien une fatwa ancienne du comité permanent. Hein? D'accord? Et vous avez vu, donc, peut-être dans la séance précédente, qu'il avait amené des avis anciens de l'Ejnet Daima, du comité permanent, comme quoi il s'agit de coopérer avec les sexes dans le bien. Tant que c'est dans le bien, vous coopérez avec eux, et s'ils font une chose qui relève de l'innovation, ne participez pas. Hein? On a vu que le cheikh, il a réfuté cela. On a vu que le cheikh, déjà, il a réfuté cela, il a montré que les salafs, par exemple, Omar ibn Khattab, il n'a pas dit aux sahaba coopérer avec Sabir, lorsqu'il était en train de le Coran, lorsqu'il était en train de suivre les versets où il y a, donc, qui sont ambivalents. Hein, au lieu donc de revenir à Al-Muhkam, il devrait avec. Lui, il était en train de suivre le Mutashabi. Là, Omar radiallahu anhu, il l'a fouetté. Hein? Il l'a fouetté à plusieurs reprises. Il n'a pas dit coopérer avec lui, dans, comme dit ce Hassan. Il a dit voilà la preuve, c'est qu'il y a une fatwa ancienne de l'Ejna qui dit cela. Lui, il n'a pas dit que c'est ancien. Il a dit voilà, il y a une fatwa. Et il a caché les autres fatwas récentes. Hein, les fatwas qui ont montré que les frères musulmans et les tablirs sont des sexes égarés. Hein, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que donc, ces sexes ne sont pas donc, des sexes égarés. Il s'agit de coopérer avec eux. Parce que lui, il est même, donc il appartient à cette sexe qui est l'Ikhwan Muslimin. Et lui, il fait l'éloge de tablir, ce Mohamed Hassan par exemple. Donc là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a montré donc, une fatwa ancienne. Or, il y a beaucoup de fatwas qui sont venus après lorsque le statut de l'Ikhwan et de Tablir était plus clair. Hein? Parce qu'au départ, il y avait, même parmi les gens de science, il y avait donc, ils ne connaissaient pas donc, très clairement donc, le statut de l'Ikhwan lorsqu'ils sont apparus, je dis. Hein? Et de Tablir lorsqu'ils sont apparus donc, au départ. Mais par la suite, lorsqu'ils ont été étudiés, lorsque les gens de science ils les ont étudiés, ils les ont côtoyés même, il y a même des gens de science, ils ont côtoyé les frères donc, musulmans ou bien les tablir pour connaître hein, quelle est leur méthodologie. Donc là, ils les ont critiqués. Et lorsqu'ils ont été dévoilés, hein, il ne s'agit pas de revenir aux fatwas anciennes. Hein. Et ça, voilà, ces groupes n'étaient pas clairs au départ. Hein, mais petit à petit, donc, leur statut est apparu à la, donc, aux gens de science et ils l'ont montré à la communauté. Hein, ils ont été dévoilés peu à peu. Donc, mais des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont amener cela. Et parfois, ils amènent, c'est-à-dire cela, c'est les fatwas anciens du comité, comme avait fait Hassan. Aussi, parfois, ils amènent donc, une lettre de Cheikh Sa'di. Abdelrahman Sa'di, le grand savant d'Arabie Saoudite, qui est le cheikh de Cheikh Al-Utsaimin, hein, parmi les chouyours de Cheikh Al-Utsaimin. Donc là, ce Cheikh Sa'di, lorsqu'il a reçu des livres de Sayyid Qutb, hein, donc il a remercié celui qui lui a envoyé cela, il a dit on va profiter de ces livres, etc. Eux, ils se sont attachés à cet écrit de Cheikh Sa'di. Ils ont dit voilà, Cheikh Sa'di fait de l'éloge sur les livres de Sayyid Qutb. Il fait de l'éloge. Sachant que Sa'di, c'est un grand savant. Al-Mufassir, un faqih, un usuli. Il a écrit dans plusieurs sciences, il est. un grand savant. Eux, ils ont dit, voilà, Sheikh Saadi, il fait l'éloge de Sayyid Qutb, c'est la preuve que Sayyid Qutb, il est un homme de science, etc. Non, lui, il a reçu les livres, il a remercié, il a fait une lettre de remerciement comme quoi ses ouvrages nous sont parvenus. Et lui, il a écrit cela alors que, imaginez à cette époque, hein, où donc le statut de Sayyid Qutb et de ces gens n'était pas donc clair. N'était pas clair. Hein, n'était pas clair. Donc les gens ne, donc, n'ont pas étudié leurs livres. Le Cheikh Rabi, avec le courage que l'on, que, et qu'on connaît à cet homme, il a osé critiquer Sayyid Qutb lorsqu'il n'a les Ikhwan ne pensaient pas que quelqu'un peut publier un livre, hein, de critique sur Sayyid Qutb. Lui, il a publié un livre, puis le deuxième et puis le troisième jusqu'au cinquième. Il a publié cinq livres qui montrent le statut de Sayyid Qutb. Eux, donc, comme on dit en arabe, jenajenouhum, hein, jenajenouhum, ils sont devenus fous, hein. Donc ils ont inventé des sobriquets pour dire que ça, ce Cheikh, c'est-à-dire Cheikh Rabi' al-Madkhali, ils ont dit là, ça c'est le courant des Madkhali, ça c'est des Madakhila, alors que ils n'ont pas accepté, hein, ils n'ont pas accepté que leur théoricien qui essaie trop qu'il soit critiqué, alors que le Cheikh il a montré par les pages et par donc c'est-à-dire tel chapitre et telle page, etc. Voici qu'est-ce qu'il dit, et voici le verset, voici le hadith, voici la voix de Salaf Salih. Comme avait dit Cheikh Fawzan lorsqu'il a défendu Cheikh Rabi, il a dit, regardez, est-ce qu'il a cité les pages, est-ce qu'il a cité les références, est-ce qu'il critique d'une manière scientifique. Il faut accepter le haq s'il critique d'une manière scientifique. Et si par exemple il n'avait pas cité les références et les choses, et qu'il n'est que en train de dire n'écoutez pas, ou bien ne lisez pas tel auteur, c'est trop, hein. Donc là, n'acceptez pas, hein. Mais lui, il était en train de toujours donner les références et les pages, et ainsi de suite. Donc là, il ne s'agit pas donc de refuser al-haq. Il faut accepter al-haq. Il faut accepter al-haq. Donc là, il s'attache généralement à cette lettre de Cheikh Saadi, hein, comme ce Hassani s'est attaché à une fatwa ancienne du comité. Il s'attache aussi, hein, il s'attache aussi à donc un petit discours aussi fait par le savant du Maroc qui est Mohamed Taqiyuddin Hilali, qui a remercié une fois Hassan al-Banna, hein. Hassan al-Banna lui a écrit, hein, et lui il a répondu, il a dit oui, donc on coopère avec vous, donc pour vous dire les nouvelles du Maroc dans la lutte pour l'indépendance, parce que c'était un contexte donc de lutte contre la colonisation française et donc anglaise dans certains pays, et donc là ils étaient donc dans le combat contre le colonialisme. Donc lui, lorsqu'il a reçu que donc vous demandez des nouvelles des combattants qui sont au Maroc, lui il a dit oui, on est ravi de coopérer avec vous pour diffuser ces nouvelles, pour combattre cet ennemi qui occupe notre terre. Donc eux, ils ont pris cette lettre aussi de Cheikh Taqiyuddin Hilali, hein, et ils ont dit, voilà, Cheikh Hilali, maintenant, hein, ils sont en train de sortir cette lettre, hein. Nous, on a déjà lu cette lettre, et on sait que cette lettre de Cheikh le Hilali, rahimallah, et donc là, on a reçu cela, mais le musulman doit recevoir les choses, donc avec objectivité, hein. Donc ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit, Cheikh Al-Allama Al-Hilali, parce que Cheikh Al-Hilali c'est un savant, ils ont dit, il fait l'éloge de Hassan Al-Banna et il le remercie, ah, il coopère avec Hassan Al-Banna, donc c'est la preuve que Hassan Al-Banna c'est un savant, c'est ceci. Là c'est les gens, c'est donc ils s'attachent à des choses vraiment, comme on dit, awhamin bayt al-ankabut, ils s'attachent à des fils comme la toile de l'araignée. Hein? C'est-à-dire des choses qui ne sont pas fortes, qui ne sont pas solides. Là, le Cheikh, il a reçu une invitation. Donc, quelqu'un lui dit, envoyez-nous pour qu'on publie dans notre journal qu'il y a chez vous aussi un combat contre le colon. Lui, il a dit, oui, on est. Donc, on va coopérer ensemble pour cette chose. Je dis cela parce que je vois sur des comptes de meneurs, hein, donc de meneurs chez nous, des Hizb, etc., qu'ils disent que Cheikh Hilali aussi il faisait l'éloge de l'Banna. Ça c'est faux. C'était à une époque où l'Banna n'était pas clair d'abord. C'était à une époque où ils prétendaient généralement donc un appel à l'islam et ainsi de suite, un retour donc de la population à l'islam et ainsi de suite. Donc c'était pas leur ces livres et ces écrits n'étaient pas donc connus, hein. Mais lorsqu'il a été critiqué, il ne s'agit pas donc de fermer l'œil sur la critique et de s'attacher toujours à la personne. Très bien. Et donc, la troisième remarque, c'est que hein, donc les gens d'innovation tombent dans les contradictions. Par exemple, ce dénommé Mohamed Hassan hein, tombe dans la contradiction quand il critique les savants, hein, de la critique et de l'éloge. Hein, hein, sa parole elle-même rentre hein, dans le domaine de la critique. Hein. Lui, il dit, donc là, vous avez du rouleau dans le jarh. Vous avez c'est-à-dire de l'excès, de l'exagération dans le jarh. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, Risala ila roulat at-tajrih. Il dit, vous avez de l'excès hein, vis-à-vis de la critique. Vous faites beaucoup de critiques vis-à-vis des prêcheurs. C'est ce qu'il était en train de dire. Alors que lui-même, cette parole même, est-ce qu'elle ne fait pas partie de la critique? Il est en train de critiquer de grands savants que lui. Hein. Lui, c'est un petit prêcheur qui était un journaliste au départ et il a rallié le domaine de la da'wa. Il est en train de critiquer Cheikh Rabi' qui est né dans la science. Cheikh Rabi', donc, il est né orphelin et donc il a demandé la science. Il a depuis l'enfance, il a connu des savants. Il était en train de quêter la science. Hein. Alors que, donc... cette personne, lorsqu'il dit hein, que vous avez du relou dans le jarh, c'est lui qui a du relou, hein, parce que hein, donc il est en train de se comporter vis-à-vis des gens de science avec malhonnêteté. Il est en train d'amener des fatwas anciennes. Et... Si vous avez le courage, donc et si vous défendez le haq, montrez des choses fortes et non pas donc s'attacher à des fatwas anciennes, les premières fatwas de l'Ejna où le statut de Seyyid n'était pas connu, où le statut de Tablir n'était pas clair, où les gens ils ont dit puisque c'est des musulmans et qu'ils propagent le bien, coopérer avec eux. Hein. Mais lorsque le statut de ces gens il était clair, il s'agit de s'attacher aux dernières fatwas de l'Ejna et il s'agit de s'attacher aux avis des gens de science. Hein. Vous avez des gens de science qui les ont dévoilés. D'accord. Très bien. Donc, le Cheikh Abu Abd A'la a montré que ce Hassan, il cache des fatwas plus récentes hein, donc du comité permanent. Il les cache pour tromper les jeunes. Hein, donc il a agi d'une manière malhonnête. Hein, il les cache pour tromper les jeunes. D'accord. Donc, faites attention. Ce que nous disons, peut-être il vous semble que c'est pour vous, il est clair. Mais là, ces gens, ils font beaucoup donc de dégâts par ces procédés et par ces ruses et par ce genre de choses. Hein. Donc là, ces gens, ils propagent ces idées, etc. Ils vont même ce Chouini, il a pleuré hein, pour apitoyer le public. Il a pleuré hein, pour apitoyer le public, est-ce que je suis un innovateur, etc. Il fait ce genre de scène. Montrez les arguments. Si vous voulez vous défendre, montrez des arguments, critiquez avec science. Et non pas pleurer n'est pas une preuve. Comme avait dit Cheikh Rabi une fois, pleurer n'est pas une preuve. Il faut qu'il nous montre une preuve. Hein? Alors que lorsque il y avait des élections en Égypte, lui, il a conseillé de voter pour les frères musulmans. Donc tu fais partie des leurs. Et lorsque ces gens, ils ont pris le pouvoir, ils l'ont mis dans ce qu'ils ont appelé Assemblée de la Nation. Ils ont mis Al-Huwaini, ils ont mis ces gens. Ils ont mis ces gens comme des... comme chez nous, il y a les Moustacharin, il y a les... Donc un majlis ou bien donc une assemblée pour les conseillers de la Oumma, hein, ils ont mis ce Huwaini. C'est la preuve qu'il fait partie des leurs, fait partie des Ikhwan muslimis. Très bien. Donc nous on revient à notre épître, donc ce qu'a dit le Cheikh aussi, donc qui est donc très important. Mais ces points je pense que c'est aussi il s'agit de les clarifier parce que beaucoup de gens lorsque tu critiques, ils vont te dire « Est-ce as-tu conseillé à un tel ?» et ainsi de suite. Très bien. Donc là, la dernière fois, on était en train de lire dans l'épître du Cheikh Hafidahullah, et il était en train de nous montrer donc la malhonnêteté de ce Mohamed Hassan lorsqu'il a amené une fatwa ancienne, hein, et il a caché les fatwas récentes, et on a lu donc un certain nombre de Athar, de As-Salaf, comment ils se sont comportés vis-à-vis des innovateurs, hein, vis-à-vis des innovateurs, et que donc il y a une position des gens de la Sunna, des Salafis, vis-à-vis des innovations et des innovateurs. Hein. Donc il ne s'agit pas donc de céder à la aux passions et à une méthode donc inventée par les Hizbi et ainsi de suite, hein, et délaisser la voie de As-Salaf Saleh. Très bien, le Cheikh avait dit après cela, sans doute que ces groupes ont des fausses et des points justes. Nous, on ne dit pas que ces groupes, c'est tout le temps, ils ont tort. Non, ils ont des fautes, hein, mais ils ont des points justes. Ils ont une faussée et une vérité. Ils ne sont pas sur la faute pure. Ils ne sont pas sur la faute pure. Ils ne sont pas tout le temps sur la faute, sur l'erreur. D'accord? En témoigne ce qui fut rapporté par, des khawarij et leurs efforts dans l'adoration. D'accord? Même les groupes anciens, hein, les khawarij, ils avaient des points aussi qui sont positifs dans l'adoration. Hein? Ils avaient donc dans l'adoration, ils avaient un ijtihad dans l'ibada, hein, tahqiruna salata comme ila salatihim. C'est-à-dire, vous allez mépriser, il a dit, le prophète, il a dit au messager, vous allez sous-estimer votre prière lorsque vous allez la comparer à la leur. Imaginez que les sahaba, ils vont sous-estimer leur prière lorsqu'ils voient la prière de Khawarij. Hein? C'est-à-dire, vous allez mépriser et vous allez voir que votre récitation du Coran, c'est peu par rapport à ce qu'ils font. Mais ceci donc ne suffit pas. Il s'agit de suivre la voie du messager alayhi salam. Ces gens, ils ont contredit un fondement, hein, de la voie du messager alayhi salam. Ils se sont écartés par rapport au groupe des musulmans. C'est pourquoi ils furent appelés khawarij. Ils ont commis une sortie. Ils sont sortis donc du groupe. Hein. C'est pourquoi, parmi les appellations, pourquoi ils ont été appelés khawarij. Hein, ils ont fait le khuruj par rapport au gouverneur musulman. Tamarradu ala al-hakim muslim. Ils se sont rébellés contre le gouverneur musulman qui était Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ils ont même encerclé, hein, la maison de Uthman, ils l'ont tué. Ils ont tué le Khawarij, ils ont tué Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Khawarij, ils se sont rassemblés autour, donc ils ont assiégé la maison de Uthman radhiyallahu anhu, ils l'ont tué. Ils ont tué Uthman radhiyallahu anhu. Hein? Et Uthman radiallahu anhu, il a pris l'azima, hein, comme peut-être on l'a rappelé une fois, hein, il a choisi donc de ne pas faire face à eux, hein, et donc il a choisi l'azima. Ils vont venir, ils vont exécuter leur plan, ils vont le tuer, hein, et donc il dit, ils vont se calmer, hein, il a pris l'azima, n'a pas, donc les musulmans n'étaient pas, c'est-à-dire en période de force, hein, pour faire face à ces gens. D'accord? Par la suite, Ali radiallahu anhu, hein, il a pris une autre azim, hein, c'est-à-dire il a pris la vie le plus fort, comme son frère, il a pris la vie le plus fort, hein, de les laisser faire. Lui, il a pris la vie le plus fort, maintenant, de les combattre, d'aller débattre contre eux et d'aller les combattre, parce que la circonstance a changé. La circonstance a changé, les gens anciens ils ont montré que Uthman radhiyallahu anhu, il a pris la vie le plus fort, et Ali radhiyallahu anhu, il a pris la vie le plus fort en les combattant cette fois. En les combattant, il leur a envoyé Ibn Abbas radhiyallahu anhu, il leur a montré la vérité, ceux qui ont accepté le haq, ils ont rallié les musulmans, les autres qui se sont obstinés face à ce grand savant de la Umma, ils n'ont pas accepté les preuves qui sont devenues maintenant claires et limpides. Hein? Donc Ali radhiyallahu anhu, il a demandé l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala et il les a combattus. Hein? Il a combattu les khawarij et il les a exterminés, walhamdulillah. Très bien. Donc là, ces gens, ils ne sont pas tout le temps dans l'erreur. Les Khawarij ne sont pas tout le temps dans l'erreur. Hein? C'est-à-dire, ils font partie de la communauté musulmane. Hein? Donc là, on ne dit pas qu'ils ont toujours une fausseté. Ils ont donc une vérité, ils ont une fausseté. Hein? Et ils avaient une fausseté sur un plan. Sur le plan de Khuruj. Ils ont une fausseté sur un plan. Hein? Eux, ils ont donc pensé que les sahaba même n'appliquent pas wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'avis de l'khawarij et des takfiri, parce qu'ils ont de l'excès vis-à-vis de ces choses. Ils ne vont pas détailler les avis des gens de science vis-à-vis de cette question et donc de prendre l'avis des gens de la sunna. Non, ils anticipent, hein, yasta'jilun. Ils anticipent, hein, ils vont vite regagner les avis qui vont prononcer le kufr sur les juges et sur les gouverneurs et sur donc les gouverneurs des musulmans et les commandants des musulmans. Ils vont donc rallier l'idéologie donc de ces takfiris. Donc là, comme le dit le cheikh, sans doute ces groupes, hein, ont une vérité et une fausseté. Hein, ils ne sont pas, c'est-à-dire, tout le temps dans l'erreur. Hein, en témoigne ce qui fut rapporté à propos des Khawarij et leurs efforts dans l'adoration. Hein? Et en dépit de cela, telle était la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, hein, envers ces sexes. D'accord? Ils ont de bonnes actions. Et ils ont donc une erreur sur un fondement qui est que eux, ils se rebellent vis-à-vis du gouverneur. Hein? Et ne vont pas obéir au gouverneur. Voici la position qui était du prophète. Lorsque Dhul Khuwaisir l'a fait, voici quelle était donc la position du prophète. Et lorsqu'ils ont montré cela vis-à-vis de Ali, voici ce qu'il a dit. C'est connu ce qu'il a dit, hein, à leur égard. Hein, à leur égard. Il a dit, kalimatul haqqin yuradu bil batil, et il a clarifié. Il a clarifié Ali. D'accord. Il a dit, il s'attache à une parole de vérité, mais ils veulent par cela, donc c'est-à-dire une position, ils prennent une position fausse. Hein? Parfois, la personne peut détenir un argument, hein, mais ce n'est pas là où on met l'argument. Donc, il y a une différence entre l'argument et entre l'argumentation. Parfois, la personne a un délit, a une preuve, un verset, ou il a un hadith mais il veut faire que bâtir toute sa religion sur ce hadith. Et il oublie d'autres hadiths. Il faut rassembler et réunir toutes les preuves pour sortir avec l'idée, hein, ou avec la vie juste. Hein. Très bien. Et en dépit de cela, voici quelle était la position du prophète alayhi salam et des compagnons vis-à-vis de ces sexes. Ainsi l'on répond à l'argumentation de Mohammed ben Hassan, l'auteur de Risala ila Ghulat al-Tajrih, une épître aux excessifs de la critique. Mohamed Hassan, il a écrit cette risala, il a fait même donc une cassette sur cela à la base, hein, où il est en train d'insulter les gens de science, il est en train de les considérer comme des excessifs dans la critique, c'est-à-dire des fanatiques dans la critique. Il est en train de les bedda, hein, il est en train de les considérer comme des innovateurs, parce que lorsque tu dis à quelqu'un tu fais partie de al-Ghulat, c'est un tabdi'. Lui-même, il était en train de considérer les gens de science comme étant des mubtadi'a. Or, c'est lui qui est mubtadi'a. C'est lui qui est un grand innovateur. Et la preuve, c'est qu'il est sorti avec les khawarij dans les manifestations, d'une manière anarchique. Il est sorti avec les gens qui sortent dans la rue et qui crient dans la rue. Très bien. Donc là, il a dit le cheikh, ainsi on répond à l'auteur donc de cette épître qui est une épître aux excessifs de la critique, quand il s'appuie sur des fatwas générales et abrogées du comité permanent des recherches scientifiques et de l'IFSA en Arabie Saoudite, hein, l'état de l'unicité et de la sunna. D'accord? Quand le comité fut interrogé sur des parties qui relaient des sectes des Khawarij, des Mu'tazilites et des Soufis et des Rafidites, à savoir le groupe des frères musulmans, et le groupe de At-Takfir et de Al-Hijra, et le groupe de At-Tablir et de Ad-Da'wa. D'accord? Le comité, qu'est-ce qu'il a répondu, hein? Le comité, il a pris un fragment de Mohamed Hassan qu'il a montré aux gens et il a caché les autres. Qu'est-ce qu'a répondu le comité? Voici la traduction un peu donc de l'orientation du comité à cette époque, hein? comme j'avais dit, tous ces groupes contiennent vérité et fausseté, erreur et justesse. Haq wa batil, khata wa sawab. Tous ces groupes, ils ont ceux-là. Les frères musulmans, At-Takfir wa al-Hijra, et le groupe de At-Tablir. D'accord? Les frères musulmans, c'est connu pour vous. At-Takfir wa al-Hijra, c'est un groupe qui est sorti donc de Aba'at Ikhwan Muslimin. Il est sorti, donc c'est un groupe qui a fait scission aux frères musulmans et qui s'est constitué autour des idées de Sayyid Qutb. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait takfir. Il a prononcé que le mujtama', la société, c'est une société mécréante. Ils ont dit, on fait l'hijra, on va nous écarter par rapport à cette société. On ne va pas prier avec eux. C'est ce que font des takfiris maintenant. C'est ce que font des takfiris maintenant. Ils ne prient pas avec nous dans les mosquées. Il y a des takfiris maintenant, ils ne prient pas avec nous dans les mosquées. Donc pour eux, tu vas penser même que lui, il ne s'attache pas à la prière beaucoup, etc. Au point que donc il va passer devant la mosquée, il va aller prier dans sa maison. Parce qu'il pense qu'il ne doit pas prier avec les koufars. Ah oui, ils disent qu'on ne doit pas prier avec les koufars. Et s'il prie avec des koufars, c'est juste pour lui, des koufars. Hein? C'est juste pour un peu donc ne pas être connu. Hein? Et par la suite, il refait la prière. Hein, il refait la prière. C'est des malins. Hein, ils sont des rusés comme cela. Et comme avait dit Cheikh Tal'at Zahran, Hafidahullah, un cheikh qui est connu en Égypte, Tal'at Zahran, il a dit, lorsque j'appartenais à ce groupe, voici ce qu'on a fait. Il a dit, on était à la Mecque et on ne priait pas avec l'imam de la mosquée de Al-Haram. On restait à faire les ablutions pendant 30 minutes jusqu'à ce qu'il termine et par la suite on fait notre prière entre nous, entre notre petit groupe de frères qui avaient ce même avis. Hein, ce cheikh, Tal'at Zahran, c'est un cheikh salafi, alhamdulillah. Donc il a dit, mais lorsque j'étais jeune et que j'étais avec ce groupe, voilà comment on procédait, voici ce qu'on faisait. Malheureusement, ces gens, ils nous ont trompés, voilà ce qu'on a fait. Ça, c'est une erreur, on considérait que tout le monde, il est kafir, sauf nous. Ça, c'est un roulou, c'est ce qu'ils ont, c'est ces gens. Alors que lui, même il accuse les savants de al-roulou. Alors que c'est lui qui a le roulou. C'est lui qui a le fait de prononcer takfir sur les hukam et sur les gens. Et ils sont en train donc de penser que seuls eux, ils ont la vérité. Très bien, donc là le cheikh, il a rappelé cet avis de l'Ejna. Donc je cite, tous ces groupes contiennent vérité et fausseté, erreur et justesse. Certains d'entre eux sont plus proches de la vérité et de la justesse. Et ils ont plus de bien. Une utilité plus globale que d'autres. Tu dois t'entraider avec chacun d'eux selon ce qu'il a de vérité et tu lui dispenses le conseil dans ce que tu considères être une faute. Aussi, c'était l'avis de l'Ejna. Tu coopères avec c'est-à-dire ces gens quand tu considères qu'ils sont sur le bien et tu les conseilles dans ce qu'ils ont de mal. Le cheikh, il répond, fin de citation. Le cheikh, il a dit, Aqoul, hein, cheikh Abu Abd al-A'la, il a dit, nous disons, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait conseillé de s'entraider avec les khawarij? Hein? D'accord? Donc là, l'Ejna, elle a jugé d'après ce qu'elle avait à l'époque. Mais maintenant, nous, on s'adresse à Mohamed Hassan qui vient toujours avec cette idée. Hein? Il a dit, le cheikh, est-ce que le prophète avait conseillé de s'entraider avec les khawarij dans ce qu'ils ont de vérité? Puisqu'ils étaient des gens qui déploient de l'effort dans l'adoration. Ils ont de l'effort dans l'adoration. Hein? Chose que ces takfiris de l'époque, non, ils n'ont pas. Ils n'ont pas ces efforts dans l'adoration. Hein? Est-ce que Omar avait conseillé aux soldats musulmans de s'entraider avec Sabir ibn Asl, hein, dans ce qu'il a de vérité et de le laisser propager ses ambiguïtés, hein, et de le laisser propager ses ambiguïtés, d'accord, ses ambiguïtés parmi eux, parmi les musulmans, hein, sans réplique ou réprimande. Est-ce que Omar il a dit coopérer avec lui et laissez-le propager c'est-à-dire ses avis, hein, ou même conseillez-le dans ce qu'il a de choses ambiguës, hein? Non, il a dit, hein, ramenez-le-moi, et il a frappé jusqu'à ce qu'il a délaissé c'est-à-dire ces choses par lesquelles il confond des musulmans. Très bien. Est-ce que Ibn Omar avait conseillé à Yahya ibn Ya'mar et Humayd ibn Abd al-Rahman de s'entraider avec les Qadaris dans la récitation du Coran et la quête de science? Hein? Non, Ibn Umar, il a directement critiqué les Qadarites. Hein? Et il a même jugé qu'ils sont en dehors de la religion. Imaginez les frères, il a considéré qu'ils sont en dehors de la religion puisqu'ils n'ont pas, c'est-à-dire la croyance en le destin, en la prédestination. Très bien. Et ainsi de suite, dit le chef, et ainsi de suite. Ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avaient repoussé manifestement les gens hein, pour ne pas fréquenter ces sectes. Ils ont déconseillé, il avait fait une mise en garde forte, hein, que ce soit le prophète, ou que ce soit Omar, ou que ce soit Ibn Omar, ou que ce soit les autres. Hein. Ils ont réagi vigoureusement vis-à-vis à ses avis. Hein. D'accord. Ils avaient ordonné de s'en écarter complètement, hein, de crainte d'être influencés par leur méthodologie corrompue, puisque la vérité dont elle dispose ces sectes, dont elle dispose, se trouve également chez les gens de la Sunna. La vérité qu'ils ont, les gens de la Sunna l'ont déjà. Hein? Pourquoi aller lire dans les livres de ces trois? Les gens de science, ils ont déjà lavé cette vérité. Ces avis, donc le bien, s'il y a un bien minime chez ces trois, il se trouve déjà dans les livres de Sa'di, et dans les livres d'Ibn Kathir, et dans les livres de Tabari, et dans les livres comme ça, c'est la vie. Dans les tafsirs, c'est la vie. Alors que lui, son livre n'est pas un livre de tafsir, c'est un livre d'opinion, ses avis, c'est un livre de composition, de al-insha. Hein, c'est pas un livre de tafsir en réalité. Donc là, le cheikh, il a continué, il a dit, hein, puisque la vérité dont elle dispose, hein, c'est-à-dire ses sexes, se trouve également chez les gens de la sunna. Nous n'en avons pas besoin donc. Ce peu de bien qu'ils ont, ils se trouvent déjà chez les gens de la Sunna, parce que les gens de la Sunna, ils ont le bien entier, parce que cette religion, elle est intacte, elle est sauvegardée. Elle est sauvegardée. Hein? Leur mal l'emporte sur le bien. D'accord? Par exemple, le mal qu'il y a chez les innovateurs, il l'emporte sur le bien. Lorsqu'il a un mal, hein, c'est-à-dire il a une méthodologie déviante. Regardez que les Khawarij, ils ont combattu les Sahaba. Imagine. Et à notre époque, les Khawaris sont encore en train de combattre les musulmans. Ils sont en train de combattre les musulmans. Ils sont en train, donc, de prononcer, donc, le takfir sur des musulmans. Ils sont en train de combattre les musulmans. Ils ne sont pas en train de combattre les mécréants. Hein? D'accord? C'est que ce que font le groupe de Daesh et de Nusra à l'époque actuelle. Est-ce qu'ils sont en train de combattre les juifs ou les rawafid? Non. Ils sont en train de combattre. Hein, donc parfois Bachar pour prendre le pouvoir, mais ils sont aussi en train de tuer la population syrienne, hein, parce qu'ils disent que ça c'est des gens qui ne sont pas qui n'ont pas regagné notre groupe, donc c'est des gens hein, qui n'ont pas choisi la vérité, hein, donc c'est juste comme étant des apostats. Donc là le cheikh il a dit à propos de ces innovateurs, leur mal l'emporte sur le bien, la fausseté prend le dessus sur la vérité. C'est-à-dire quand quelqu'un il a une erreur dans les fondements, dans un fondement, ou dans plusieurs, ou bien il a plusieurs erreurs de détail dans les branches qui font un fondement, ça, cette personne devient innovatrice. D'accord? Quand il contredit dans un fondement des gens de la Sunna, un fondement dans la croyance, ou un fondement dans la méthodologie, ou quand il contredit dans beaucoup de points dans les branches, dans les furu', dans les branches, tels que les points qui sont dans le fiqh, il a beaucoup contredit. D'accord? Donc il a contredit la vérité dans beaucoup de points. Donc là, ça, le savant juge que ces points, il les estime comme étant un fondement, même si c'est des points de détail. Ou bien il sort avec un avis que les gens de la Sunna n'ont pas. Par exemple, les gens de la Sunna, ils ont le mas'h ala al-khuffayn. Ils ont le mas'h ala al-khuffayn. Ils ont le fait d'essuyer sur les chaussures, hein, sur les chaussettes et sur Al-Khufayn, qui est un des chaussons, c'est-à-dire qu'ils se font par en cuir, on les porte dans les climats froids. D'accord? Donc là, les gens de la Sunna, ils ont cela, c'est-à-dire que nous, donc on fait l'essuyage sur les chaussures, etc. Quand quelqu'un vient et dit non, cela, donc je ne l'accepte pas, etc. Alors qu'il y a beaucoup de hadiths sur cela. Les gens de science, ils ont introduit ce point dans la harida, parce que des innovateurs étaient en train de le contredire. Quelqu'un qui vient donc contredire ce point, c'est qu'il veut contredire les avis des gens de la sunna. Hein? Et quels sont les gens qui ont contredit sur ce point? C'est notamment les rafida. Ils ont levé l'étendard pour combattre cette sunna du messager alayhi salatu wasalam, qui est la sunna de l'mas'h ala al-khuffayn. Ils ont combattu cela, ils ont dit non, nous, on ne fait pas cela. Alors qu'eux, ils font une erreur monumentale. Ils font le mas'h ala al-rijlayn. Eux, les rawafid, au lieu de laver les pieds, comme on lave les pieds dans les ablutions, eux, ils font le mas'h sur les pieds. Hein? Ils font le mas'h sur les pieds, ils font l'essuyage sur les pieds, les rafidas. Hein? Donc là, leur wudu n'est pas sahih. Leurs ablutions ne sont pas correctes. Leur wudu n'est pas sahih. Leurs ablutions ne sont pas correctes. Hein? Ils ont tenu à cela. Et ils ont contredit la vie où il y a cette sunna qui a été clarifiée par les sahabas. Hein? Ali l'a pratiqué et beaucoup de sahabas l'ont pratiqué, comme on trouve dans les livres de le faire. Les gens de science, ils ont introduit cette sunna dans les fondements. Les gens de science, ils l'ont cité, hein, dans les livres de la tirade pour montrer que eux, ils se distinguent par rapport aux gens d'innovation. Très bien. Donc là, le cheikh, il a dit, leur mal, c'est-à-dire le mal des gens de bida, hein, l'emporte sur le bien. C'est-à-dire, ne dit pas, il a que cette erreur. Cette erreur, elle est grave. Il s'agit de voir quel genre d'erreur. Parce que quelqu'un, il a l'avis de l'khawarij. Ça, c'est grave. C'est-à-dire, il ne devient plus, donc il ne fait pas partie de le firqa najiya, le groupe sauvé. Hein, c'est-à-dire, le groupe, c'est-à-dire, qui suit la sunna et qui n'a pas contredit dans des fondements. Hein, parce que le mustalah de al-firqa najiya, le prophète, il l'a montré. Il a dit, hein, dans le hadith de l'iftirah, le hadith où il a montré que la umma va se diviser en 73 sexes. Il y a une sexe, elle tient à ses fondements, elle tient à sa sunna, elle propage sa sunna. La sunna ici dans le sens de sa méthodologie, sa voie générale. Hein? Quand quelqu'un il vient contredire cette voie générale et il se fraye un autre chemin, celui-là, il s'est écarté. Donc même sur un seul point, comme font les khawarij, ils se sont écartés sur un seul point. Les sahaba, ils ont combattu et eux, ils ont combattu les sahaba. Sur un seul point. D'accord, ne dites pas il a une seule erreur. Non, faites attention, quel genre d'erreur? Parce qu'il s'agit de voir, il ne s'agit pas de dire c'est une seule erreur. Hein? Non, il s'agit de voir quel genre d'erreur. Est-ce que c'est une erreur dans la croyance? Ça c'est grave. Ou est-ce que c'est une erreur dans la méthodologie? Ça c'est grave. Ou bien est-ce que c'est une erreur où il sort avec un avis qui ne se trouve pas chez les gens de la sunna, même dans Al-Fiqh? Ça c'est grave. Ça c'est très grave aussi. Hein? D'accord? Donc là, faites attention. Il ne s'agit pas donc de dire il y a une seule erreur, il y a deux erreurs. Mais donc, lorsque Cheikh Abu Abdallah il a critiqué Al-Hawaini, il a relevé, hein, donc si je me souviens bien, c'est 9 fautes dans des fondements. 9 fautes. 9 points où il a des écarts. 9 points, parmi les points qu'il a, c'est qu'il fait takfir bil-ma'siyah. C'est qu'il considère que les gens qui ont des péchés, il les considère comme étant des mécréants. Hein? Il considère que ce sont déjà des gens mécréants. Il a dit que celui qui prend l'usure et qui consomme l'usure, riba, alors qu'il sait que c'est de l'usure, celui-là, c'est un mécréant. Hein? Celui-là, c'est un mécréant. Ça, c'est l'avis de l'Huwaini. Ça, c'est un avis par lequel il se démarque vis-à-vis des gens de la sunna. Les gens de la sunna disent que celui qui consomme de l'usure, hein, tant qu'il n'a pas al-istihlal, tant qu'il ne dit pas « moi je considère que c'est une chose licite », tant qu'il n'a pas cette chose, qu'il ne dit pas que c'est licite, tant que c'est un pécheur, c'est pas un mécréant, c'est un pécheur. Lui, il a considéré que ça c'est un mécréant. Il a dit « puisqu'il sait et il contredit, donc c'est un mécréant ». Non. Ceux qui boivent de l'alcool ou bien ceux qui forniquent, ils savent que c'est interdit. Mais ils tombent dans ses passions, dans ses péchés. Hein? Nous on leur justifie pas, on est pas en train de dire c'est permis. Nous on dit ça c'est grave, ça c'est parmi le kabir, c'est parmi les péchés majeurs. Mais ce n'est pas, ça ne fait pas partie de la mécréance. Sauf s'il y a l'istihlal, s'il va considérer que ça c'est halal pour lui de forniquer ou de boire l'alcool. C'est-à-dire il va, même au niveau de son cœur, considérer que cette chose, donc il doit nous l'avouer par la langue. On ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Doit dire par la langue que lui, pour lui, cette chose, elle est permise. Ça, c'est le cas où, donc, quelqu'un, il a la mécréance par un péché. C'est-à-dire s'il va considérer que c'est licite. Que c'est licite, le Houaini, il considère que celui qui commet un péché. Et il le sait, il sait que c'est faux, C'est déjà un mécréant. Regardez combien de gens il va rendre mécréant par cette qaïda qu'il a posée. Et lorsque quelqu'un il vient le critiquer, ils disent non, vous critiquez les douates, vous combattez les douates. Alors que les douates, donc les savants, hein, parmi lesquels Abu Abd al-A'la, il a réfuté cette erreur qui va générer beaucoup de takfir. Regardez combien de gens il va rendre mécréants par cette qaïda qu'il a inventée, ce Huwaini. Très bien. Donc là, le cheikh, hein, il a dit par la Suisse, et généralement, l'homme de la masse qui suit ces sectes, il prend ce qu'elles ont de mal et de bien, car il ne peut pas discerner. L'homme de la masse, lorsqu'il va suivre ces sectes dans ce qu'ils ont de bien. Et il va, donc, est-ce qu'il va s'écarter du mal que ces sectes ont, le mal que Tablir ou bien Ikhwan, ils ont. Il va tomber avec eux dans ces erreurs, ou bien celui qui suit les soufis. Il va tomber avec eux dans les erreurs, cet homme de la masse. Hein, donc là, c'est pourquoi, donc, d'où l'intérêt et l'importance des mises en garde et de ce manhaj, hein, et de cette méthodologie qui est de réfuter les égarements et les erreurs et les innovations. Et le prophète, alayhissalam, dans chaque khutba, hein, dans chaque serment, il disait, donc le khutba al-haja, il disait dans cette khutba, hein, il mettait en garde contre les innovations dans chaque serment. Hein, et dans chaque assise, dans chacune de ces assises où il faisait donc le prêche pour ses compagnons, hein, il rappelait que l'innovation, hein, c'est parmi les pires choses, c'est les inventions et les innovations en religion. Très bien, le cheikh il a rappelé cela, hein, les gens, ou bien l'homme de la masse, hein, qui suit ses sexes, il prend ce qu'elles ont, hein, ce qu'elles ont comme bien et comme mal. Car il ne peut pas discerner. Il ne peut pas discerner. Il y a maintenant des jeunes, ils vont te dire, moi j'ai une raison. Je vais écouter n'importe qui et je vais filtrer. Ah, et lui, c'est un filtre, il a un filtre. Ah, et je vais filtrer entre l'erreur et la justesse. Je vais filtrer. Non, si tu avais cette capacité, donc tu es un savant. Si vraiment tu étais, donc tu peux filtrer tout le temps. Tu es un savant. Ces erreurs, qui les détecte? C'est le savant qui vont dire, non, ça c'est une erreur, oh mon fils. Ça c'est une erreur. Lorsque on leur rapporte les avis des gens des innovations, ils vont dire, non, ça c'est une erreur. Hein? C'est eux qui peuvent dire est-ce que c'est une erreur ou non. Hein? Sur des choses que on ne peut pas distinguer, alors qu'il y a des erreurs qui sont manifestes. Hein? Ils ont l'avis de Khourouj, ou donc l'avis de Rawaf, et l'avis du soufisme. Et les avis, donc, comme cela de Hizbiya, ces choses sont manifestes. Très bien. Donc là, il ne peut pas discerner. L'homme de la masse ne peut pas discerner. Pourquoi éprouverons-nous donc les gens en les éloignant de la religion de vérité par le biais de ce laxisme choquant, hein, qui fait sombrer les dupes dans les pièges des groupes contredisant la sunna? Pourquoi on va sacrifier les gens et on va les laisser avec les innovateurs? On va pas mettre en garde contre les innovateurs. Et on va les laisser les gens de la masse suivre des innovateurs. Non, il s'agit de déployer le conseil vis-à-vis de la Ummah. D'accord? Après cela, le cheikh, il a dit, l'auteur, hein, de Risala ila Ghulat al-Tajrih, hein, c'est-à-dire Mohammed ibn Hassan, hein, ce Mudaharati, cet homme qui sort dans les manifestations, hein, l'auteur d'une épître aux excessifs dans la critique, hein, sais-tu relativement aux fatwas claires émises par les savants du comité, hein, permanent, et ayant abrogé cette fatwa, hein, d'ordre général, cette fatwa qui était ancienne et générale. Par la suite, le comité il a répondu différemment. Lui, il a caché cela. Pourquoi il le cache? Pourquoi il ne rappelle pas toutes les fatwas? Il va dire, voilà, on a cette fatwa, et on a celle-là, et on a celle-là, et voilà où il y a le détail. Hein? Il a caché, il s'est tu sur cela. Quand l'imam Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, le cheikh, il va nous donner les preuves comme quoi cet homme, il a agi d'une manière malhonnête. Mohamed Hassan, il a agi d'une manière malhonnête. Il n'a pas montré les fatwas récentes, hein, des imams de la sunna. Quand l'imam Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, hein, l'ex-président du comité permanent fut interrogé au sujet des deux groupes, hein, que sont l'Ikhwan et At-Tablir, à 2 années avant sa mort. Hein? Voici la question. Est-ce que ces deux groupes hein, font partie de ceux perdants hein? C'est-à-dire, est-ce qu'ils rentrent dans les 72 sectes? D'accord. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, hein, ils rentrent dans les 72. Le cheikh, il a jugé que At-Tablir et Al-Ikhwan font partie des 72 sectes perdantes. Hein? Parmi les groupes perdants. Al-Halika, min al-Faraq, Al-Halika, Neria, il a dit. Il a dit Al-Halika, il a dit Neria. Hein, il a fait, il a montré que ces groupes font partie des 72 sectes. Quiconque, il a dit, rahimahullah, il a dit, et quiconque contredit la croyance des gens de la sunna rentre dans les 72 sectes. Hein, man khalafa manhaj ahl-sunna wal-jama'a yadkhul fi tintin wa sab'in. Hein, celui qui contredit, c'est-à-dire sur des fondements comme ceux-là. Hein, il rentre dans les autres groupes. D'accord? Et cela a été, donc, fin de citation, c'est dans Al-Sharh Al-Muntaqa, hein, qui a été fait à At-Ta'if, dans la ville de At-Ta'if. Sharh Al-Muntaqa, qui est un sharh dans le fiqh. Al-Muntaqa min Akhbari Sayyid al-Mursalin, qui est un sharh dans le fiqh qu'a fait Cheikh Ibn Baz. Donc là, cette fatwa se trouve dans Sharh Al-Muntaqa. Et ça se trouve dans les fatwas du Cheikh qui ont été imprimées et qui ont été diffusées. Très bien. L'imam al-Albani aussi, il avait dit, il n'est pas juste hein, de dire que les Ikhwan muslimines font partie des gens de la sunna, puisqu'ils combattent la sunna. Fin de citation. Il a dit, il n'est pas juste de dire qu'ils font partie des gens de la sunna, hein, puisqu'ils combattent la sunna. Hein, ils combattent la sunna. Laysu min ahli sunna, li'annahum yuharibun sunna. Comment on va dire que quelqu'un qui combat la sunna, il fait partie des gens de la sunna? Non, ils combattent la sunna. Et l'érudit savant Salih al-Haydan, qu'Allah le préserve. Ça, c'est un savant qui est encore vivant. Hein? C'est parmi les grands savants d'Arabie Saoudite. Hein? L'érudit savant Salih al-Haydan, hafidhahullah, a dit, hein, je cite, les Ikhwan et les Tablir ne sont pas parmi les gens ayant une méthodologie authentique. Et tous les groupes et les noms n'ont aucun fondement chez les prédécesseurs de cette communauté. C'est noms qui sont inventés, qui sont nouveaux. Hein? Tablir, l'Ikhwan, le soufisme, Rafida, l'Ibadiyya, et ainsi de suite. Ces groupes, hein, tous ces noms n'ont aucun fondement. Ça, c'est donc des bid'as, c'est des choses inventées. D'accord? Fin de sa citation. Et voici encore, hein, la dernière fatwa du Cheikh Salih al-Haydan. Le Cheikh va nous citer une autre fatwa du Cheikh Salih al-Haydan, qu'Allah le préserve. Quand il fut interrogé le vendredi 3 Rabi', le deuxième Rabi', hein, en l'an 1431. D'accord. Le présentateur de l'émission, il a dit, les frères en Algérie posent la question toujours, hein, sur ce qui est dans la fatwa de son éminent Cheikh Abdelaziz Ibn Baz. Hein, c'est-à-dire des gens interrogent parfois, hein, le présentateur, il a dit souvent, hein, ça se répète, il s'interroge sur la fatwa du Cheikh Ibn Baz concernant ces deux sectes. Est-ce qu'ils font partie des sectes perdantes, hein? Et aussi, il cite la fatwa du Cheikh Al-Albani à leur égard, la fatwa que le Cheikh il a rappelée, d'accord, relativement aux affaires de Tablir et de l'Ikhwan et autres parmi les questions nombreuses, hein? Il a dit le présentateur toujours, je demande au Cheikh Salih si nous sommes obligés d'avoir ce genre de classement parmi les frères, que les frères exposent. Hein? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit catégoriser les gens et les classer et dire celui-là est un tabliri, celui-là est... Eux, ils se disent comme étant des tabliris. Eux, ils disent, nous, on appelle au groupe des frères musulmans, on appelle au groupe de tablir, vous devez venir dans notre parti. Hein? Eux, ils ont déjà catégorisé leur propre personne. Il s'affilie à ce parti. Donc là, le présentateur, il a dit, hein, est-ce que nous sommes obligés de faire ce genre de classement, hadith tasnifat? Hein? Doit-on tout le temps poser la question là-dessus? Est-ce qu'on doit poser la question de savoir est-ce qu'un prêcheur, est-ce qu'il fait partie des gens de la sunna ou non? D'accord? Le deuxième point, et c'est votre avis qui compte dans ce genre d'affaires, donc là, il s'adresse aux savants, concernant le groupe de At-Tablir en Algérie, cela confond beaucoup de gens. C'est-à-dire, les gens, ils ont posé la question, chez nous, il y a le groupe Tablir, est-ce qu'on doit sortir avec eux ou non, etc. Hein? Le Cheikh Salih al-Haydan, hafidhahullah, il a répondu, il a dit, hein, concernant le groupe Tablir, même du vivant de notre Cheikh, hein, j'avais mis l'accent sur le fait qu'il ne convient pas d'agréer la voix de ces gens. Il a dit du vivant de notre cheikh, c'est-à-dire du vivant de Cheikh Ibn Baz. Du vivant de notre cheikh, il a dit du vivant de notre cheikh, c'est-à-dire j'avais mis l'accent, c'est-à-dire que lui, Cheikh Al-Haydan, il a mis l'accent sur cela avec le cheikh. Hein? J'ai mis l'accent sur le fait qu'il ne convient pas d'agréer la voix de ces gens. À l'époque du roi Saoud, parmi les rois donc d'Arabie Saoudite, le roi Saoud, une lettre était parvenue de la part d'un grand groupe, hein, c'est-à-dire on va voir, et signée de l'Inde et du Pakistan. Signée par un grand groupe vraiment de l'Inde et du Pakistan. Elle est parvenue en Arabie Saoudite. Hein, d'accord? Il demandait de construire sur les tombes. Hein, il demandait de construire sur les tombes. Est-ce que vous nous autorisez? Est-ce que vous voyez, donc vous avez les savons, etc. Est-ce qu'il est permis donc de construire sur les tombes? Hein? Parmi les signataires, il y avait un grand nombre du groupe Tablir. Parmi les signataires, les noms ceux qu'ils prétendent être des savants là-bas, hein, ils ont dit, voici les signataires, on demande est-ce qu'il est permis de construire sur les tombes. D'accord? Il y avait un grand nombre de Tablir, dont je connais personnellement certains, dit le Cheikh Al-Haydan. Il a dit, je connais personnellement certains d'entre eux. D'accord? Je l'avais lu à Cheikh Mohammed, hein, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est-à-dire Cheikh Mohammed ben Ibrahim, rahimahullah. D'accord? D'accord? Puisque le roi Saoud l'avait transféré à Cheikh Mohammed pour répondre, hein, ou bien pour prendre son avis. D'accord? Il a transféré au savant qui va leur répondre. Est-ce qu'il est permis de construire sur les tombes? Il demande une chose que les musulmans, ils savent que c'est déjà interdit, mais c'est le savant. Puisqu'ils ont demandé l'avis du savant, voici l'avis du savant. Il a donné à Cheikh Mohammed bin Ibrahim, qui était l'ex-mufti avant Ibn Baz. Il y avait Mohammed bin Ibrahim, puis Ibn Baz, rahimahullah, et puis maintenant Abdelaziz al-Sheikh. D'accord? Cheikh Al-Haydan, il a continué à dire, une épître fut composée par le Cheikh. L'épître, Shifa al-Sudur fi tahrim al-bina'i ala al-qubur. Le remède aux poitrines, dans la démonstration de l'interdiction de construire sur les tombes. Il leur a montré qu'il est interdit de construire sur les tombes. Parce que par la suite, ça va devenir des lieux de shirk. D'accord? C'est fait hubab pour que les gens tombent dans le shirk. C'est le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, Abdul Latif, qui était le maître du Cheikh Ibn Baz, et ils sont du même rang. Ils sont du même rang de science, c'est de grands savants. D'accord? C'est lui qui a écrit cette épître, Mohammed ibn Ibrahim. Notre Cheikh Ibn Baz, notre Cheikh, c'est-à-dire lui, quand il dit notre Cheikh, c'est-à-dire. Il vise Ibn Baz. Notre cheikh Ibn Baz avait un bon soupçon à leur égard. Il avait un bon soupçon à leur égard. Je connaissais ce groupe depuis l'an 1373 de l'Égir, dit Cheikh Al-Haydan. Je me suis réuni avec eux à la Mecque, d'accord, à Al-Utaybiyya. Leur chef à l'époque était Saïd Al-Hindi. D'accord? Saïd l'Indien, de l'Inde. Leur chef était Saïd l'Hindi. D'accord? Parce qu'au départ, ils n'étaient pas très connus. Mais petit à petit, les gens de science, ils vont connaître leur méthodologie. C'est pourquoi quelqu'un qui vient nous donner des avis des gens de science qui sont anciens, c'est quelqu'un qui veut tromper les gens. D'accord? Là, le Cheikh Al-Haydan l'a dit, je me suis réuni avec eux à la Mecque, dans Al-Usaybiyya, avec leur chef, ils avaient comme chef Saïd Al-Hindi. Il est décédé, qu'Allah lui fasse miséricorde. Maintenant, lorsque le Cheikh était en train de parler dans cette émission, 1431, il a dit, maintenant il est mort cette personne, mais je parle de cette époque, d'accord? Il est décédé, rahimahullah. Ses affiliations, ses appartenances, n'ont pas de fondement dans la religion. Appartenir à Tablir, aux frères musulmans, au groupe soufi, et ainsi de suite, ça n'a pas de preuve en religion, ça n'a aucun fondement. Et puis, ils tracent une méthodologie qu'ils suivent. Ils vont mettre une méthodologie, un programme. Ils vont te dire, voici notre programme. Voici, nous, on travaille sur ce programme. On veut réaliser ces objectifs. D'accord? Ils vont résumer la religion dans certains de leurs objectifs à eux. D'accord? ils ont une méthodologie, d'accord, ils tracent une méthodologie qu'ils suivent. Or, il n'est pas permis à la personne de s'attacher à une affaire, sauf si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'avait ordonné. Hein? C'est-à-dire, quelqu'un qui vient, il va légiférer des choses nouvelles et dire, nous, on va sortir comme cela, en groupe, prêcher à Allah. Même si on n'a pas de science, on va sortir en groupe et on va prêcher. Et chacun de nous va donc se diriger dans un quartier pour prêcher. Là, ça contredit la voix du messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Le messager n'envoyait pas des gens qui ont besoin de science, hein, pour prêcher eux-mêmes. Hein, il s'agit de leur part donc de quitter la science d'abord avant donc de pouvoir transmettre. D'accord? Donc là il a dit ils, c'est-à-dire l'établir, ils ont une voie, des détails, des jours, hein, pour sortir et ainsi de suite. Ils ont des détails, ils ont un programme défini. On fait ceci, on fait cela, on sort 40 jours, on sort 3 mois, on sort 40 jours. On sort pendant un mois, on sort 3 jours. Ils ont des détails. Hein? Ils ont inventé dans la religion. Certains, ils vont se diriger dans la mosquée, ils vont rester dans la mosquée pour invoquer, et les autres, ils vont faire da'wah. Lui, il est en train de faire donc des invocations pour qu'ils réussissent dans leur da'wah. Hein? D'où vous détenez cela? D'où vous nous ramenez cela? Hein? Ils se mounent dynamo. Hein? Ils disent c'est lui qui va faire beaucoup de zikr, il doit faire donc du du'a pour que le groupe, lorsqu'il va se propager dans la ville, il va faire da'wa à Allah, il va frapper dans les portes des gens pour les appeler, hein, à la prière et à ces choses. Hein. Voilà, donc là le cheikh il a dit, hein, ils ont des détails. Ces détails, ils n'ont pas des preuves sur ces choses. C'est-à-dire de définir un nombre de jours pour sortir dans la da'wah, de sortir en groupe, hein, que donc des gens qui n'ont pas assez de science, ils sortent pour faire le prêche. Ils se déplacent d'un pays à l'autre, alors qu'ils n'ont pas invité les gens de leur quartier pour donc, c'est-à-dire faire da'wah au niveau de leur quartier. Au lieu de faire da'wah dans son quartier, il va donc dans le Brésil ou dans l'Inde ou dans le Pakistan pour faire da'wah. Hein? Fais da'wah dans ton quartier, tu connais les gens, tu peux être plus bénéfique. Très bien, ils vont délaisser leur foyer, ils vont délaisser leurs femmes et leurs enfants pendant 3 mois, pendant 40 jours, pour aller faire da'wah à Allah. Hmm? Ça c'est grave, subhanallah. Hein? Il a dit le cheikh, je ne recommande pas de les fréquenter. Voici l'avis d'un savant, hein, cheikh le Haydan. Je ne recommande pas de les fréquenter. Pourquoi Mohamed Hassan il cache cet avis du cheikh, hein? Je ne recommande pas de les fréquenter au royaume, c'est-à-dire au royaume de l'Arabie Saoudite. Et ils avaient une liberté. Au départ, ils avaient une liberté parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'ils ont. Hein? Ils avaient une liberté. Ils circulaient, ils fréquentaient les mosquées. Ils avaient un siège à Riyad. Ils avaient un siège à Riyad. C'est le groupe Tablir. Ils avaient un siège à Riyad près de la mosquée. As-Sakiriniya, c'est un quartier, hein, où il y a une mosquée, hein, donc à Riyad, ils avaient un siège, et ils assistaient même dans cette mosquée, et ils se rassemblaient aussi dans cette mosquée. Ensuite, ils en furent interdits. Lorsque les gens de science, ils ont connu quel est leur danger, ils ont été interdits de faire ces choses, parce qu'ils étaient en train de propager les bid'a. Propager les bid'a dans la société. D'accord? Voici la fin de la citation donc de cette fatwa de Cheikh le Haydan. Il est rue du Cheikh, hein, Abdullah ben Abdelrahman al-Ghudayyan. Ça aussi, c'est parmi les grands savants de l'Arabie Saoudite. On a vu maintenant Cheikh Ibn Baz, Cheikh Albani, qu'est-ce qu'ils ont dit sur les frères musulmans et sur le Tablir. Hein? On a vu Cheikh le Haydan. Maintenant, on voit Cheikh al-Ghudayyan. D'accord? Cheikh Abdullah ben Abdelrahman al-Ghudayyan, rahimahullah, parce qu'il est mort maintenant, hein. Mais lorsque le Cheikh, il a écrit cela, cet épître, il était encore vivant, Cheikh al-Ghudayyan. Membre du comité des grands savants. Adou, hey, Askibar al-Ulama, hein. Le Cheikh, il a dit à l'époque, hein, qu'Allah le préserve, dans la risala qu'on est en train de lire. Qu'Allah le préserve, hafidahullah. Alors que maintenant, hein, en 1438 de l'égir de notre prophète alayhi sallam, hein, il est mort le cheikh, hein. Il avait dit ce pays ne connaissait pas des noms de groupes, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, ne connaissait pas ces noms de groupes, des divisions. L'Arabie Saoudite, c'était un peuple, hein, qui était derrière, c'est-à-dire son gouverneur, son commandant. Il ne connaissait pas les noms de ces ahzab et ces partis, etc. Que ce soit les ahzab qui sont venus de l'extérieur, hein, tels que ceux que nous connaissons dans nos pays, ou que ce soit les frères musulmans, les tabliris, et ainsi de suite. Ce groupe, ce pays ne connaissait pas, hein, ce pays ne connaissait pas des noms de groupes. Mais des gens, hein, de l'extérieur ont afflué sur nous. Ils sont venus, hein. Chaque groupe parmi eux fondait ce qu'il y a dans leur pays d'origine. Hein, chaque groupe parmi eux, lorsqu'il vient, il apporte la méthodologie qui se propage dans son pays d'origine. Par exemple, les Égyptiens, lorsqu'ils se sont dirigés vers l'Arabie Saoudite, ils ont amené la méthodologie des frères musulmans. Ceux qui viennent du Pakistan et de l'Inde, ils ont amené le groupe de Tablir. Hein, et ainsi de suite, le soufisme, et ainsi de suite. Hein, d'accord? Chaque groupe parmi eux fondait ce qu'il y a dans leur pays d'origine. Hein? Nous avons par exemple ce qui s'appelle le groupe Al-Ikhwan Muslimin. Hein? Nous avons aussi le groupe Al-Tablir. Et il y a beaucoup d'autres groupes. Hein? C'est comme cela que cela s'est introduit en Arabie Saoudite. Au départ, ils n'avaient pas cela. Ils n'avaient que la méthodologie de Salaf Saleh. D'accord? Chacun s'érige comme un chef sur un groupe. Et il veut que les gens le suivent. Hein, il tara'as à la jama'a ou il dit lahum ana asir shaykhukum ou asir yani za'imukum. Hein, chacun il va dire à un groupe, nous on va fonder un groupe et je suis le chef. Hein, dit le chef. Il interdit et prohibe de suivre un autre groupe que le sien. Hein, il va interdire à ses membres d'appartenir à un autre groupe. Hein, il va leur dire, nous, on a le haq, on ne doit pas suivre les autres groupes. D'accord? Hein? Il croit que c'est son groupe qui est sur la vérité. Hein? Et que les autres groupes sont sur un égarement. Voilà ce qu'il croit en réalité, ce qu'a dit Benna. Il a dit que votre da'wa, les gens doivent venir vers votre da'wa, non pas que vous allez vers leur da'wa. Hein? C'est vous qui avez la balance. Il était en train de dire à ses suiveurs, c'est-à-dire que les autres groupes doivent venir vers vous, les frères musulmans, et que vous ne devez pas aller vers les autres gens, puisque c'est vous qui avez la vérité, c'est vous qui avez la balance, le mizan. Hein? Vous allez évaluer et vous allez dire que vaut, hein, chaque da'wa. Alors que c'est un groupe inventé, leur groupe. Hein? C'est un groupe mubtada, min aslihi. Ils doivent donc fermer leur siège et ainsi de suite, ils doivent rallier le groupe, hein, c'est-à-dire des musulmans, hein, jama'at muslimi. Très bien. Donc là, il a dit, hein, il croit que c'est son groupe qui est sur la vérité et que les autres groupes sont sur un égarement. Combien y a-t-il de vérités dans le monde? Hein? Chacun, il croit que lui, il a la vérité. Il a une vérité qui est différente de l'autre groupe. Combien il y a de vérités? Il y a une seule vérité. Il y a une seule vérité, il s'agit de s'attacher à cette vérité. Cette vérité se trouve dans l'islam. Et donc, dans l'islam, elle se trouve dans la salafie, dans la voie du salaf salih, la voie du messager et de ses compagnons. Lorsque nous disons la voie salafie, ce n'est pas ma voie à moi ou à toi ou à un autre. C'est la voie du prophète et des compagnons, hein, des successeurs et des successeurs des successeurs. On doit nous attacher à cela. C'est là. L'asl, c'est là la base de l'islam. On doit nous attacher à cela, à Al-Qur'an et Sunnah, et avec la compréhension des pieux prédécesseurs, on doit nous attacher à la salafia. Hein? Les autres groupes, hein, il y en a qui sont, c'est-à-dire, très très éloignés, il y en a qui sont très éloignés quand même. Hein? Il n'y a pas des groupes qui sont proches de la salafia. Non, c'est-à-dire proches par rapport aux autres. Hein? Mais non, pas vraiment proche de la vérité, parce que inventer une innovation donc en religion, ça c'est grave. Et c'est parmi les fautes qu'avait commis un derrière qui s'appelle Qasim al-Firansi. Il a prétendu que le Hadidiyya c'est proche de la Salafia. Hein? Il a prétendu que la Hadidiyya c'est très proche de la Salafia. Non, il ne s'agit pas de dire la chose comme cela. Il s'agit de dire, hein, que par rapport à un autre groupe, peut-être qu'elle a un moindre mal que l'autre groupe. Que, par exemple, l'Ibadiyya ou que Al-Rawafid ou que... Hein? Mais on ne dit jamais que c'est proche de la vérité. Hein? Non, il y a la vérité, innover c'est s'éloigner de la vérité, vraiment s'éloigner de la vérité. Innover c'est s'éloigner de la vérité. Et je vous dis que Cheikh al-Islam, rahimahullah, lorsqu'il a parlé des Ash'arites, il a comparé les Ash'arites à d'autres groupes, il a dit que par rapport aux autres groupes, ils sont, hein, c'est-à-dire, moins égarés que les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont proches des gens de la Sunna, vraiment. Hein? Mais par rapport, en comparaison avec les autres, ils sont moins que les Mu'tazilites, ils sont moins que les Jahmites. Hein? Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont proches de la vérité, qu'ils vont se confondre vraiment et se mélanger, et si on suit ce groupe, ou celui-là, il est aussi proche. Non, le HLM, c'est de l'égarement. C'est de l'égarement. Donc, innover, c'est s'éloigner de Sirat al-Mustaqim. Ah, donc, faites attention à cela. Très bien. Donc là, le Cheikh, al-Rudayyan, rahimahullah ta'ala, il a dit combien il y a de vérité dans le monde. Hein? Et il continue, il a dit, la vérité est unique. Hein? Comme je vous ai dit, il a dit. Hein? Comme je vous ai dit. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, avait montré la division des communautés. Hein? Avait montré la division des communautés et que celles-ci se séparent en 73 sectes, hein, qui seront toutes au feu, sauf une. Hein? Donc les gens de passion n'aiment pas ce hadith. C'est yani, subhanallah, ils n'aiment pas le hadith du messager, alayhi salatu wasalam. Ils n'aiment pas ce hadith qui est thabit à un nabi, alayhi salatu wasalam. Yuharibuna hadith hadith. Ils combattent ce hadith, ils n'aiment pas le hadith, hein, de Muhammad, alayhi salatu wasalam. Ils combattent ce hadith, parce que ce hadith, il les dévoile. Il a dit que cette communauté va se diviser en 73 sexes. D'accord, hein? Donc là, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, hein, il a dit, la vérité est unique, comme je vous ai dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam avait montré la division des communautés, et que celle-ci se sépare en 73 sexes, qui seront toutes au feu, sauf une. Les compagnons, radiallahu anhu, avaient demandé, laquelle, au messager d'Allah? Voici les gens qui aiment le haq. Ils n'ont pas dit, non, comment, nous, on va nous diviser. Ils ont dit, laquelle, hein? Man hiya ya Rasulallah? Les gens, ils tiennent al haq. Ils ont demandé, quelle est cette secte, hein? Quel est ce groupe pour ceux, hein, pour s'attacher à ce groupe? Ils ont dit, laquelle, ô messager d'Allah? Il dit, celle qui est sur ce sur quoi, hein, je suis, ainsi que mes compagnons. Ma ana alihi wa ashabi, hein? Wa fi riwaya, yal jama'a. D'accord? C'est le groupe. Hein? Et le groupe, lorsqu'on dit la notion de groupe en islam, le groupe, comme avaient montré les imams de la sunna, ils ont dit wal jama'a allati yubna 'alayha, wal jama'a allati yubna 'alayha, yani al-asasuddin, hi jama'atu sahaba. Le groupe par excellence, c'est le groupe des sahaba. Lorsqu'on pense au groupe, c'est le groupe des sahaba. Jama'a, c'est les sahaba, ils étaient regroupés autour du messager, alayhi salatu wasalam. Hein? Al-jama'a, lorsque le messager a dit al-jama'a, il vise sa jama'a, c'est-à-dire ce groupe. Ceux qui vont commencer à prendre l'avis des khawarij, et des qadaris, et de al-rawafid, et des murji'its, hein? Donc à la fin des périodes, donc des compagnons, lorsque ces bid'as vont commencer à apparaître, les sahaba, ils sont restés sur le même groupe. C'était le groupe. Par la suite, cela s'est divisé jusqu'à notre époque. Nous, on continue à aller dans le sentier, hein, donc tracé par le messager et ses sahaba, c'est-à-dire as-salaf salih. On s'attache à la voie de as-salaf salih. On cherche quelle est la voie de as-salaf salih sur n'importe quelle question et on essaie de nous attacher à cela. D'accord? Donc là, il a dit, celle qui est sur ce qui est pareil à ma voix d'aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Le Cheikh, il a continué, Cheikh Rodayen. Chaque groupe a un programme, un chef. Hein? Chacun d'eux exige une allégeance. Yafriduna ala atba'ihim bi'a. C'est-à-dire, ils donnent une bi'a au gouverneur. On ne sait pas s'ils donnent vraiment une bi'a au gouverneur des musulmans. Et ils donnent une bi'a au chef du Hizb. Hein? Au chef de l'Ikhwan et ainsi de suite. D'accord? Chacun d'eux exige une allégeance. Il veut l'alliance pour eux et ainsi de suite. Ils divisent alors les gens. Ces groupes divisent les musulmans. Ces groupes divisent les gens. Hein? Tu trouves dans un même pays des gens qui se divisent en plusieurs groupes. Hein? Chaque groupe prenant l'autre en inimitié, il va haïr l'autre groupe. Il y a même des divisions au sein des foyers maintenant. Donc le frère ou le père, il est salafi et d'autres, ils s'affilient au groupe des frères musulmans ou de Tablir ou autres. C'est ça, c'est de la division. Non, nous devons suivre Salaf Saleh. D'accord? Tu trouves dans un même pays des gens qui se divisent en plusieurs groupes, chaque groupe prenant l'autre en inimitié. Cela fait-il partie de la religion? Demande Cheikh Lourdayen. Hein, cette division, est-ce qu'elle fait partie de la religion? Et faites attention, ils disent, nous, on veut rassembler et réunir la Oumma. Vous l'avez divisé en créant un groupe. Hein? Réunir la Oumma, c'est déjà, si vous allez quitter ce groupe, vous êtes en train d'aller dans le sens de réunir la Oumma. Parce que vous allez regagner le groupe des musulmans. Nous, on doit être avec le groupe des musulmans, avec lequel on prie la Jama'at Muslimin. Hein? On ne va pas fonder un groupe au sein de Jama'at Muslimin, au sein de notre société. On doit rester unis sur un même groupe. D'accord? Et adorer Allah subhanahu wa ta'ala par le kitab et le sunna et par fahm salaf salih, et avec la compréhension des prédécesseurs. Donc le cheikh a posé cette question. Cette question, elle est importante. Hein? Il a dit, cela fait-il partie de la religion que se diviser en des groupes? Non, cela ne fait pas partie de la religion. La religion est une, la vérité est une, et la communauté est une. Allah Jalla wa Ala dit, kuntum khayra umma. Hein? Vous êtes la meilleure communauté. Surat Ali Imran, la famille de Imran, le verset 110. Hein? Il n'a pas dit, vous êtes des partis. Hein? Vous êtes la meilleure communauté en créant des partis. Non, il n'a pas dit en créant des partis. Il a dit, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté suscitée aux hommes. En vérité, continue le cheikh, en vérité, ces groupes étaient venus, l'Arabie Saoudite ne connaissait pas ces groupes. Ces groupes étaient venus de l'Égypte, et donc de l'Inde. Et ils ont eu des agissements dans ce pays, ils ont fait des actions dans ce pays, ils ont commencé à bouger dans ce pays, de mauvais agissements, parce qu'ils recrutent les jeunes. Ils recrutent les jeunes dans les écoles, dans les lycées, dans les universités surtout. Ils recrutent les jeunes. Ils ne veulent pas des vieux. Ils ne veulent pas des vieux qui sont dans la mosquée. Parce que ces vieux ne vont pas être actifs. D'accord? Ils ne veulent pas des vieux. Ils ne sont pas intéressants pour eux, dit Cheikh Rodayan. Regardez les remarques pointues des gens de science. Pourquoi ne pas aimer le bien pour ce vieux aussi, d'aller lui donner le conseil s'il commet une erreur, par exemple, et ça. Non, ils ne sont pas intéressants pour eux. Ils viennent aux écoliers, en face du collégial, du secondaire et du supérieur. Il en est de même pour les filles. Il y a maintenant une prédication du groupe des Ikhwan Muslimin et du groupe de At-Tablir, même dans les écoles féminines. Même dans les écoles féminines. En Arabie Saoudite, il n'y a pas la mixité. Il y a des écoles pour les garçons, il y a des écoles pour les filles. Il y a même une grande université rien que pour les filles. D'accord? Et c'est la plus grande université dans le monde où il y a l'enseignement des filles, des étudiantes, et non pas la mixité. Mélanger les filles avec les garçons. Comment on va avancer dans notre enseignement avec cela? On ne va pas avancer dans l'enseignement. Même maintenant, des kofars, ils ont commencé à construire des universités non mixtes. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie. Il y a donc un enseignement non mixte dans ces pays pour avancer dans la recherche et dans la formation et dans la science. Parce que faire un enseignement mixte, ça va affaiblir et les garçons et les filles et ça ne va pas donner les résultats escomptés. Ils font ça depuis longtemps, même en Gabon. Oui. C'est là-bas la règle de base. C'est la règle de base. Que l'enseignement ne soit pas mixte. D'accord? Il a dit, il y a même maintenant une da'wa pour les frères musulmans et pour les établir, même dans les écoles féminines. Pourquoi l'individu ne suit-il pas le sentier du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi ne pas suivre la voie du messager alayhi wa sallam? Pourquoi aller suivre la voie de Mohamed Ilyas? Et délaisser celle du messager. Pourquoi aller suivre la voie de Hassan al-Banna et délaisser celle du messager alayhi salam? Pourquoi aller suivre les Torah soufis, Tijani et autres? Pourquoi aller suivre donc des meneurs de Ahzab, des gens qui invitent à leur parti, hein, tels que Ghannouchi en Tunisie, ou tels que Ali Belhaj en Égypte, Abbasi Madani et Ali Belhaj en Algérie, et tels que ces gens qui appellent à cela en Égypte, hein, ils sont nombreux, Mohamed Al-Maqsoud, Al-Huwaini, Hassan, et ainsi de suite, hein, c'est Du'ad al-Ikhwan, Abdurrahman al-Khalq au Koweït, Salman al-Ouda en Arabie Saoudite, ça c'est des gens qui appellent à leur parti. Alors que nous, on doit suivre notre messager, alayhi salatu wasalam, hein, et les compagnons. Donc là, c'est là où se termine la fatwa de Cheikh al-Allama al-Ghudayyan, c'est un grand savant au Souli, un grand savant de Usul al-Fiqh et de Qawa'id al-Fiqhiyya et de al-Fiqh, et c'était un membre du comité permanent, et un membre de l'organisme des grands savants. C'est un grand savant, celui-là, le Rodayen, rahimahullah. D'accord? Et lui-même, il a été interrogé. Nous sommes dans une campagne. Et le groupe qui s'appelle Jama'at At-Tablir afflue sur nous. Hein? Ils viennent donc dans notre campagne. Fi qariyatina wa baldatina ya'tunana. Hein? Parce que eux, ils viennent en groupe. Ils vont même effrayer les gens. Hein? Ils viennent en groupe. Hein? Hein? Donc là, afflue sur nous. Devons-nous marcher avec eux ou non? Ils ont dit, est-ce qu'on peut sortir avec eux? Est-ce qu'on peut faire dawa avec eux? Parce que lorsqu'ils viennent, ils vont dire, qui veut donc faire avec nous donc le khourouj? Hein? Fi sabilillah. Hein? Ils prétendent que c'est un khourouj fi sabilillah pour la dawa, etc. C'est pas un khourouj pour la dawa. Parce que la dawa, elle doit être comme celle qu'a fait le messager, alayhi salatu wasalam. Une dawa qui combat le shirk. Est-ce qu'eux, ils combattent le shirk? Non. Les tablirs ne combattent pas le shirk. C'est pourquoi même l'État hébreu, hein, l'État hébreu permet à tablir de rentrer, de faire ta'wa chez eux, parce qu'ils ne combattent pas le kofr. Ils ne combattent pas le shirk. Eux, ils appellent au bon comportement. Hein, au bon comportement, que les gens prient, que les gens aient un bon comportement. Hein, voilà. Hein. Ils n'ont pas une da'wa qui va transmettre le tawhid. Hein, non, ils n'appellent pas à cela. Donc là, le shirk, il a été interrogé. Hein, ils ont dit, nous désirons une clarification. Il a répondu, Cheikh al-Ghudayyan, rahimahullah, ne marche pas avec eux, la tamshi ma'ahum. Hein, ne marche qu'avec le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La tamshi illa ma'a kitabillahi wa sunnati nabiyyi, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, là, tu vas suivre, hein, ces deux, donc, références, le kitab wa sunna, et non pas suivre, tablir dans leur khuruj, ainsi de suite. Hein. Fin de citation. Voilà, peut-être qu'on va marquer ici une pause, hein, parce que ce qui va venir, il est un peu différent. Alhamdulillah.